Mittel, unendliche Mittel anwenden. Dann wird nur Leben. Hallo. Ein, deux. Die akademische Malerei beschreibt, gibt Illusionen statt Leben und Natur. Die akademische Malerei täuscht die Natur und das Leben vor. I'm going to read now a poem là, par that exemple, was printed with the fantastic prayer book. C'est juste pour dire à tous ceux qui vont prendre les micros que c'est pas mal de les mettre, de les coller comme ça au menton. Et puis, parce que ça fait que comme ça, ça bouge, je sais pas ce que ça fait là, mais... Et de prendre le temps de parler, quoi. Enfin, d'articuler, enfin oui, d'être tranquille, de pas trop speeder. La radio qui vous trotte dans la tête. Baiser, mon diamlet, faïtam, radio guerre. Elle était brûlée pour ton blanc, elle était brûlée pour ton blanc, elle était brûlée pour ton blanc, elle était brûlée pour ton blanc. Ah, vous allez au mur à pêche avec ça ? Non, c'est pour l'antenne, ça ? Il y a des sons, enfin, il y a quelques rares oiseaux qui existent encore. Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas, on va poser l'antenne. De toute façon, on a été condamnés à poser l'antenne. Allez, on y va. Okay. Voilà l'ampli. Laisse-les derrière l'ordi, là, sur la table. Vous êtes assez pour les metteurs ? Bah, de toute façon, on peut être autant qu'on veut. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Si t'as envie de venir trouver l'endroit le mieux pour l'antenne, tu ne seras pas de voir comment ça marche. Et il y a quelqu'un qui vous enregistre déjà ? Je crois que c'est Benoît Arthaud. Benoît. C'est le microphone surtout. Alors, c'est quoi ton ampli ? C'est pas un ampli, c'est un émetteur. Ouais, mais c'est un ampli de diffusion. 20 watts. Si tu veux la marque ? Bah ouais. Noventa Padovana, c'est pas ça ? C'est italien. C'est italien. Padovana, ouais. C'est mal parti. Hein ? Hein ? Non, surtout rien. Surtout qu'il y a marqué Noventa Padovana et entre parenthèses PD. C'est horrible. Italie. Parce que Padovana, c'est pas loin des partis FAB du Nord et PD, c'est le Parti démocrate italien. Ça va pas mais du tout, cet émetteur. C'est de la radio. Mais oui, mais c'est tu veux, on met un scotch dessus. On va le renommer. C'est la classe ouvrière. Hein. C'est pas la classe ouvrière. Moi, j'ai du... Je laisse les clés derrière l'ordinateur. Oui, parce que c'est du métal, il n'y a pas de souci. Hein. Ça va, je rigole, Brian, je vais te faire chier. Ça pleut. Mais je peux te faire un bisou avec ton écharpe. Là, on sait pas encore. Et donc, c'est une antenne en... En thé. Elle est hantée par Armand Gatti. Pour moi, fondamentalement, le théâtre doit être un des moyens de libération de l'homme. L'homme est écrasé par le conformisme, par sa vie de chaque jour. L'homme est écrasé par des formes de pensée qui lui sont imposées, quelquefois par nécessité même. L'homme est écrasé par l'injustice. L'homme est écrasé, en fait, sous des tas de formes de pensée, comme le racisme, le fascisme. Oh. La famine et les épidémies frappent maintenant les survivants sont en danger de mort. La famine et les épidémies frappent maintenant les survivants sont en danger de mort. La famine et les épidémies frappent maintenant les survivants sont en danger de mort. La famine et les épidémies frappent maintenant. Disons que le conformisme en général est la forme principale de l'esclavage de l'homme. Et dans la mesure où on essaie de faire endosser à l'homme, enfin ce conformisme, on fait de lui un esclave. Et l'homme qui passe toute sa vie comme un esclave, en fait, cet homme-là doit être pris en considération. Il ne s'agit pas de poser le problème en termes « il y a les hommes bons, les hommes mauvais ». Parce que, à mon avis, sans dire qu'ils sont tous bons, ni sans dire qu'ils sont tous mauvais, même chez le pire homme, il y a toujours une étincelle qui est merveilleuse. Et il faut lui faire découvrir cette étincelle. Et je pense que le théâtre est un moyen de communion assez grand, un moyen de rencontre assez grand, un moyen d'agitation assez grand. Dans la mesure où il regroupe 10, 20, 30, 40 personnes. Et plus, ou 500, ou 1000. Tintin. Alors, on va essayer d'introduire ce grand plateau radio. En vous disant que là, du coup, on est dans la grande salle de la parole errante, qui est une grande salle de 800 ou 900 mètres carrés et qui est habitée depuis quelques semaines par différents collectifs qui se partagent donc entre la parole errante demain, qui s'occupe de ce lieu de l'entretien à la programmation, disons, la médiathèque NGHE ou NIE, qui du coup est une médiathèque de Bruxelles, qui a installé juste derrière nous une cabane où il y a plein d'instruments de musique, des cassettes, des ghetto blasters, et du coup qui a fait du streaming presque quotidiennement depuis 10 jours. Il y a une cantine un peu sur notre gauche au loin, dont s'occupent et des gens de la parole errante demain et des personnes des Lentières, donc de un lieu près de Dijon, enfin à Dijon même. Et puis en face de nous, il y a le grand gradin de la parole errante et en face, plein de machines de fer et d'instruments de musique et de boîtes et d'écrans qui est habité depuis 4 fois maintenant par nos amis les Endimanchés qui viennent de la quincaillerie à côté de Dijon et qui présentent leur pièce Module Dada. Et puis je vais laisser Pierre continuer. Bah, bonjour. Donc l'idée en accueillant Module Dada, c'était justement pas d'accueillir seulement un spectacle ou un travail théâtral, mais d'organiser, comme l'a dit là Noémie, une rencontre. Et en fait, là, pendant, on ne sait pas exactement combien de temps, 2 heures, 2 heures et demie, on va essayer de voyager ensemble et de retranscrire un peu tout ce qu'on a réussi à partager entre ces différents lieux, disons, pendant presque 3 semaines. Et voilà, donc continuer un peu ce qu'on a essayé de faire en essayant de sortir un peu de ce tutoiement un peu bizarre qu'il y a des fois entre des spectateurs avec un spectacle. Sachant qu'ici on essaye à la parole errante de fabriquer autre chose. Donc on va commencer ce voyage et on va prendre le train pour Vénarey-les-Laumes. Ça va durer. Alors, combien de temps on met, Alexis, pour aller à Vénarey-les-Laumes? 2 heures et demie. Alors c'est parti, on part pour Vénarey-les-Laumes. Radio Cheval, la radio qui vous trotte dans la tête. Ils sont venus sur cette terre il y a longtemps, nos ancêtres. Ils ne l'avaient pas vue auparavant, ils ne savaient rien sur elle. Tout était nouveau pour eux. Ils étaient très pauvres, ils ne possédaient presque rien, et il leur était très difficile de survivre. Ils cherchaient un endroit où ils pourraient s'installer, un endroit sûr, sans ennemis. Ils cherchaient. Ils voyageaient partout, en s'arrêtant ici et là, en remarquant tout autour d'eux, en observant la terre. Ils ne savaient rien de cette terre et ils ignoraient ce qu'ils allaient trouver. Aucun de ces lieux n'avait de nom à l'époque, aucun d'entre eux. Et alors que les gens voyageaient, ils ont pensé à cela. Comment allons-nous parler de cette terre, ont-ils dit. Comment allons-nous parler de là où nous sommes allés et de là où nous voulons aller? Parce que c'est vrai que quand... Attends, comment je commence? Je nomme direct, enfin ouais, je te parle non, de... Non mais vas-y, parle-en comme si tu m'en parlais à moi, oui. Même le micro. Mais voilà, en tout cas, quand t'as parlé du texte de Kevasso et du fait de nommer les lieux, moi j'ai l'impression qu'à la quincaillerie ça a été quelque chose d'assez fort, quoi, pour même réussir à un peu se repérer géographiquement, quoi, dans le lieu. Et de pouvoir le nommer, et c'est des noms qui restent encore et qu'on arrive à transmettre, enfin, comme ça, aux gens qui passent. Et donc, il y a Il y a vraiment même des endroits où on a du mal un peu à trouver les façons de les nommer, quoi. Donc entre le grand atelier, l'atelier du fond, il y a le salon de musique qui est pas vraiment un salon de musique, qui est l'endroit où on stocke les pommes, mais comme on a eu le il y a à la fois ce qui est en projet, quoi, et à la fois les réalités, quoi. Mais donc il y a le salon de musique, il y a le grand grenier bibliothèque qui sera une future bibliothèque. Et après, il y a tous les appartements, et ça, c'est justement, c'est en lien aussi avec les habitants et les histoires qu'on nous a un peu racontées. Mais donc, on a toute une partie qui est chez Froidureau, donc les anciens propriétaires. Donc, d'habiter chez Froidureau, c'est toute une partie, la cuisine et une pièce au-dessus. Et par exemple, à côté de chez Froidureau, il y a un autre endroit, et ça, c'est Krakos. Bon, voilà, Krakos qui nous en a parlé, et c'est en fait un type dont on dit qu'il payait pas son loyer, qu'il n'arrivait pas à payer son électricité, il dépensait tout son fric pour s'acheter du vin, etc. Et donc tout le monde avait peur qu'il foute le feu parce qu'il était avec sa bougie et tout ça, et donc il était appelé la cerise. Donc on a la chambre de la cerise, à côté il y a un endroit qui s'appelle le chalet parce que juste c'est un endroit avec des planches de bois. Plus loin, il y a le premier étage, il y a la chambre d'André Robillard, parce qu'il a été là, il a un peu inauguré, voilà. On a gardé ce nom-là. Après, il y a les escaliers, on monte au deuxième étage, et là, il y a chez Krakos. Et Krakos, c'est un peu une figure, une des premières figures qu'on a rencontrées, qui nous a beaucoup parlé du lieu. Donc, voilà, c'est cet endroit-là, on l'appelle encore comme lui. Et ensuite, au troisième étage, là, c'est plutôt le grenier. Et il y a aussi la chambre de Monsieur Ahmed et la chambre de la nénesse. Enfin, voilà, qu'on a gardé des noms des habitants. 23 juillet. Au matin, nous commençons à faucher pour délimiter une aire de séjour. Je reprends. Au matin, nous commençons à faucher pour délimiter une aire de séjour. Par où passe le transport de l'eau? Y a-t-il une fontaine sur cette place de l'Homme? Nous l'ignorons encore. Tout se précipite dans un équilibre plus que précaire et nous sommes surpris par la nuit. En comité réduit demeure le risque d'être avalé par le paysage. Si nous voulons créer un lieu d'hospitalité, la première question qui se pose est : parviendrons-nous à rencontrer l'hospitalité des habitants ? On ne peut prétendre à cette volonté d'accueillir l'autre sans être soi-même accueilli par les entours. 24 juillet. Arrivée de Nouche et Barnabé au petit matin, et la journée entière à faucher puis ramasser les herbes couchées. Le geste permet de sentir et de goûter le relief et l'étendue du lieu. Arrivée de Michel et Chiffen. Se prolongent et se transmettent alors les gestes dans le silence. Le balancement. Comme ça, d'arrière en avant. On sentait l'herbe au bout du manche. 25 juillet. Balbutiement et tâtonnement, en tant qu'ils permettent de découvrir le lieu, révèlent les potentialités et les présences, favorisent une densification des liens. La nuit, nous entendons le murmure lointain du monde, présent au L'Homme sous la forme de passages de trains de marchandises, bruit de voitures, rivières et chants des oiseaux, mais aussi le chant curieux des silos, souffleries, ventilateurs et sifflements. Au petit matin, la berceuse des poids lourds. Les machines chantent. 7 août. Le désœuvrement apparu la veille est à son comble. Une force destituante et nécessaire gagne, s'infiltre. Je ne connais pas le contenu, je n'ai pas la clé, je ne crois pas les rumeurs. Tout ceci est Tout ceci est incompréhensible. Ça, c'est une interprétation de ma part. Excusez-moi, je reprends. C'est quoi vraiment ? C'est tout ceci est compréhensible. Alors, reprends. Pardon. Je ne connais pas le contenu, je n'ai pas la clé, je ne crois pas les rumeurs. Tout ceci est compréhensible, car je suis moi-même tout cela. Même si l'on ouvre quelques serrures, on ne détient pas pour autant les clés de la maison, qui nous demeure inconnue. 26 juillet. Comment un visiteur vient-il modifier l'équilibre fragile, encore inapparu, incertain de notre groupe silencieux et besogneux, autonome et discret? Le son lointain des enfants qui jouent sur les bords de l'Ausée donne la profondeur du paysage. Comment accueillir et soutenir les divergences, les rythmes propres, une certaine propension au retrait, ou à un faire besogneux, tous deux à distance d'un décidé commun? 4 août. Le lieu est laissé dans un équilibre tel que le temps semble être figé. Pourtant, d'infimes transformations et micro-agencements laissés par les derniers occupants sont repérables et modifient nos perceptions immédiates du lieu. 5 août. Madame Savard n'avait-elle pas construit un radeau pour aller du moulin jusqu'au pont des Romains? J'aperçois le coteau. Donc le coteau, là où il y avait les anciennes vignes, et je me dis que je peux peut-être essayer de rejoindre la rivière. Donc je vais marcher comme ça, et j'arrive effectivement au niveau de l'Ause, mais qui est devenu une espèce de très grand fleuve, comme ça, débordant, et je ne sais absolument pas comment est-ce que je vais réussir à passer cette espèce de barrière infranchissable d'eau, quoi. Et bon, je continue de marcher, je marche comme ça... Je reconnais assez peu de choses, quoi, mais c'est comme si vraiment la nature avait repris ses droits. Et là, je commence à apercevoir des sortes de cabanes et d'habitations comme ça dans les arbres. Je reconnais quand même vaguement les peupliers qui y sont habituellement. Et là, je vois des espèces d'installations comme ça pour puiser de l'eau, des petites constructions. Et je commence à apercevoir quelques habitants. Donc je vais leur parler, leur demander un peu le chemin pour essayer de rejoindre la quincaillerie. Et à la fois, ils m'accompagnent, à la fois, ils sont un peu fuyants, quoi. Et je sais que c'est les habitants de la quincaillerie, que c'est les passagers de la quincaillerie, mais ils ne semblent pas tout à fait me reconnaître. Ou je ne sais pas, je suis comme une des leurs, mais pas vraiment. Enfin, je ne sais pas, ils ont l'air d'avoir vécu tellement de choses que voilà, je suis un peu comme une étrangère, quoi. Et il m'explique que l'accès à la quincaillerie est devenu totalement impraticable et que même on n'y est pas vraiment admis. Et qu'eux, ils ont décidé de s'installer comme ça sur les bords de l'Ause pour réorganiser une vie, quoi, mais autour de ce centre qui est un peu absent, quoi. Et bon, ils me suivent comme ça, on marche ensemble, mais à la fois, ils s'échappent pour faire diverses activités... De temps en temps, il y en a d'autres qui reprennent le fil et je crois qu'on voilà, on marche jusqu'à ce qu'ils s'éparpillent totalement et je me retrouve à nouveau seule. Et je retrouve enfin une percée, un petit pont, pas très loin de là où on a les brebis et j'arrive à traverser. Et jusqu'à présent, il y avait comme cette espèce de nature extrêmement sauvage partout, c'était assez difficile de marcher entre les ronces, etc. Et là, je débouche sur une petite clairière et la quincaillerie est devant mes yeux. Et sauf que tout d'un coup, c'est la pelouse est comme tondue. Enfin, il y a une espèce de clarté qu'il n'y a jamais eu vraiment à la quincaillerie. Je suis là un peu étonnée. Je reconnais les différents corps de bâtiments, l'atelier, le bief qui est drainé avec de l'eau et des petites poules d'eau, etc. J'entends comme ça un peu des rires d'enfants. Et je vois des enfants qui jouent partout, mais et pareil, ils s'approchent pas vraiment de moi, quoi. J'ai pas vraiment de prise comme ça sur eux, quoi. Et j'aperçois Madame Savard, Paulette, qui est une habitante un peu historique du Bourg des Lômes, qui est une des premières femmes qu'on a rencontrées au début de la quincaillerie, qui passe avec eux, qui est toujours là comme ça à jurer, comme si je l'avais quittée hier. Mais elle ne me parle pas, elle passe comme ça. Et donc j'essaie de me concentrer sur le bâtiment, j'ouvre la porte du bief et j'essaie de rentrer dans la maison. Et je sens qu'il y a quelque chose de vraiment différent, que la maison respire à nouveau, comme elle n'a jamais respiré depuis que, qu'on est arrivé. Et je vois comme ça un immense type, très, très musclé, un homme un peu masse, comme ça, une espèce d'énorme masse. Je le reconnais, parce que je sais que c'est un habitant qui habitait au deuxième étage, et où on a... Enfin, Krakos, quoi. Et je vais pour lui parler, mais en fait, j'arrive pas vraiment à lui dire quelque chose. Et lui, simplement, il passe le balai, comme ça, mais de manière assez tranquille, assez détendue. Et en fait, avec ses mouvements de balai, je sens qu'il me pousse vers la sortie. Donc, à peine j'ai franchi le seuil que déjà, je suis poussée vers l'extérieur. Et sans mots, sans rien, je comprends qu'une vie a repris, enfin que les anciens habitants ont réoccupé la quincaillerie, mais d'une manière à la fois nouvelle et à la fois ce qu'ils ont fait, enfin ce qu'ils ont vécu dans cet endroit-là, et qu'il n'y a plus vraiment de place pour nous, et que, enfin voilà, on ferait mieux de disparaître, quoi, enfin d'abandonner la quincaillerie à ses habitants. Il y a le moment de la poésie, solidement étayé sur la forme du langage. Un objet, un être, un aspect fugitif reçoivent ainsi le privilège d'une charge intolérable, incroyable, inexplicable de présence. Un sourire ou une larme, une maison, un arbre devient un monde. Ils le sont véritablement pour un moment qui dure et qui, se fixant en paroles, se retrouvera et se répétera presque à volonté dans le devenir. La somme et le reste, Henri Lefebvre. Alors, oui, bonjour. On vient d'entendre quelques fragments de textes, de lectures, de remémorations de rêves et d'extraits du journal de la quincaillerie, puis des paroles aussi en direct. Et il s'agissait d'un montage qui a été effectué ces jours-ci et qui vient insister sur l'importance de l'arrivée, des commencements au fond, de ce qu'implique le fait d'arriver dans un lieu et pour tenter de pouvoir se l'approprier et de la précaution dont s'accompagnent les gestes, les premiers gestes avec le... grâce auquel un quotidien va pouvoir être fabriqué, puis un mouvement d'appropriation, puis une tentative de porosité avec les tentative de porosité ou de perméabilité entre le dedans et le dehors, et puis en retour la manière dont le dehors va venir imprégner le lieu, etc., etc. Et voilà. Mais donc on a entendu ces quelques fragments et qui a posteriori, moi, en tant qu'habitant de la quincaillerie aujourd'hui, m'apparaissent comme très lointain, comme vraiment quelque chose d'une remémoration d'un monde, pour ainsi dire, presque enfoui. Et on a entendu la manière dont j'ai en face de moi quelques compagnons qui ont participé de ces débuts. Enfin, voilà. Et en effet, et cette tentative de... peu à peu d'approcher le lieu, mais avec une immense précaution. Et je dirais que aujourd'hui c'est encore un lieu de l'habiter, mais c'est surtout si on veut rajouter quelque chose à propos de ces commencements, on pourrait parler des ramifications qui sont celles du lieu aujourd'hui, bien qu'on sente déjà dans ce qu'on a entendu à quel point la quincaillerie est déjà traversée par des extériorités, etc. Ce rêve curieux où Ito raconte que les anciens habitants au fond de la quincaillerie, dont en effet on a recueilli beaucoup d'histoires, sont venus se réapproprier l'endroit et que finalement il nous est devenu inaccessible. Alors je dirais que comme extension un peu immédiate relativement à ce rêve, il est prémonitoire, non pas dans le sens, je pense, où d'anciens habitants viendront reprendre possession du lieu pour nous en déloger, mais par contre, il donne la mesure d'une espèce de volonté ou de désir, au fond, d'établir dans ton rêve, ça n'est pas un désir, mais tu arrives par le coteau, en fait, puisqu'on vit... la quincaillerie est située, je pense que c'est important de le dire, à la lisière, comme ça, entre une zone industrielle, dans le faubourg, on pourrait dire, d'une toute petite ville en Bourgogne qui se nomme Venarey-les-Laumes. Et la quincaillerie est située vraiment à la frontière entre ce qui est une sorte de terminaison de la ville, l'entrée de la zone industrielle, et puis de l'autre côté, la rivière, les champs, les vignes, des forêts, etc., et des endroits en friche. Et donc, il y a vraiment cet endroit un peu double, cet entre-deux, comme tu le disais, entre ville et campagne. Et au fond, tu dis qu'on ne peut plus arriver... que dans ce rêve, on ne peut plus arriver que par l'extérieur et par des cabanes, etc., que les habitants que nous étions finalement ont établi leur possibilité d'habiter et de se rattacher à ce lieu dans des cabanes. Eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a déjà des tentatives un peu de créer des points d'extériorité dans le lieu même, puisqu'on commence à y fabriquer des cabanes, etc. Voilà. Ce qui nous ramène à la vocation qui serait celle du lieu aujourd'hui. Je ne suis pas certain qu'il ait besoin de fabriquer des cabanes autour parce qu'il est déjà assez vaste. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un lieu qui a vocation à être traversé par des moments collectifs. Ce n'est pas à proprement parler un lieu un lieu collectif dans le sens où on y vit à quatre. On y est assez peu nombreux à y vivre à l'année. Mais voilà, c'est un lieu qui, d'une part, est inscrit inexorablement dans le paysage qui est le sien, mais qui est constamment traversé, travaillé, transformé par le dehors, par les extériorités, par les présences, qui, l'hétérogénéité des présences qui viennent le peupler par moments, etc., et le transformer, et lui redonner, ou lui donner, et lui redonner consistance différemment, toujours. Voilà. Et puis après, on pourrait dire beaucoup sur les différentes logiques d'accueil que sont les nôtres. Ouais. Bah, en fait, pour un peu rebondir sur ce que tu viens de dire et sur ce qu'on a entendu, moi j'ai l'impression que par exemple, dès le début, on a eu envie de faire un journal. Enfin, là, très vite dans les cahiers, on entend, une des premières choses qu'on entend, c'est comment trouver un espace pour une petite installation un peu précaire pour avoir le journal. Et ça nous semblait, en fait, assez vite, on a eu besoin de se doter d'outils qui pourraient permettre des transmissions, enfin qui pourraient permettre de recueillir des impressions sur le lieu. Et c'était pas que, enfin c'était aussi les gens qui venaient travailler pour un petit chantier, tout ça, qui pouvaient un peu donner des textes. Et sur un peu sur l'histoire de ce journal, vraiment au début, c'était plutôt des considérations exactes, enfin sur le fait de réinvestir un lieu, de l'habiter. Il y avait, enfin on entend dans les journaux qu'on n'arrête pas de faucher, qu'on essaye de retrouver ces gestes-là du fauchage, de retrouver les pièces, d'arriver dans des endroits. Et donc, il y avait cette espèce de ce journal des Lômes que tient Alexis, qui est une espèce de chronique comme ça du quotidien du lieu. Et en fait, assez vite, on a eu envie aussi que le journal s'ouvre. Et j'ai l'impression que le mouvement d'ouverture du journal vers d'autres lieux, vers d'autres présence qui nous intéressait, ça, ce double, enfin c'est un double mouvement en fait qui s'est initié conjointement au journal et aussi au fait qu'on commençait à accueillir d'autres présences quoi chez nous. Ouais, c'est aujourd'hui je pense le tissage de ces amitiés, d'affinités politiques aussi, à la fois le fait que le lieu est traversé par des outils, enfin, et qui compte en fait, mais c'est en même temps le lieu de l'imprévisible, par exemple, le point d'articulation aujourd'hui dans la présence qui est la nôtre à la parole errante. Eh bien, on pourrait dire que le point, enfin, ce qui fait le point d'articulation, c'est peut-être la rencontre aussi avec la radio NGHE qui est venue prendre place ici et qui était cet été, qui a débarqué, pour ainsi dire, à la quincaillerie en plein milieu de l'été, au moment des quincailleries, qui est un moment d'ouverture du lieu au public, avec des propositions un peu diverses, et notamment surtout des concerts, puisque le lieu est, on pourrait dire qu'une de ses activités principales soit l'accueil de concerts. Et bien, la radio est venue prendre place comme ça, peu à peu, accrocher l'antenne aussi, comme on l'a entendu au début de cette émission, sur le toit de la quincaillerie, et puis ensuite à diffuser. Et est devenue une sorte de surface d'absorption de tout ce par quoi le lieu était traversé au cours de ces 10 journées qu'étaient les quincailleries. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'on peut citer d'autres. Compagnons du moment veulent rajouter quelque chose. Dans le voisinage, plus ou moins proche de notre quincaillerie, une carrotterie, un an et demi durant, réinvente un quartier en réalisant l'impensable d'une cuisine pour tous. Cantine populaire, et tourbillons de banquets pour créer les points d'ancrage dans la non-vie, les habitudes et répétitions déboussolantes, fabriquer quelques moments irremplaçables de répit, de partage, de joie, dans le marasme de la ville autoritaire, quadrillée, connectée, intelligente, zone de repli et stratège. La radio qui vous trotte dans la tête. Donc on est un peu moins de 200. C'est en 2010, un mois d'avril pluvieux. On est tous avec des fourches, des outils de jardinage, en train de scander Voilà, pas du béton, mais des potimarrons, des choses comme ça, des trucs assez neurolatiques. Grande banderole, il y a beaucoup d'énergie, il y a une batucada, c'est les Pink Blocs qui étaient là, donc ça mettait pas mal d'ambiance. On arrive sur la friche, bien entendu, ça avait été très bien préparé. En amont, il y avait pas mal de gens qui avaient prospecté un peu le lieu, qui avaient, qui avaient vérifié si c'était assez safe, etc. Et on va occuper une toute petite partie de cette friche qui fait 7 hectares. Alors là, ça sera même pas un demi hectare qui va être pris, mais en une après-midi, il y a ces 200 personnes qui vont retourner la terre manuellement, la labourer. Et derrière, il y avait plein de plants de légumes qui avaient été offerts par des anciens maraîchers d'ailleurs qui, 15 ans de ça, travaillaient sur cette même friche. Et donc voilà le premier moment en fait du quartier libre des Lentières. La friche, c'est un peu un iceberg. Il y a une partie émergée, populaire, pleine de jardins, de fleurs, de légumes et de fêtes. Il y a aussi une partie moins évidente, plus opaque, qui intrigue et interroge. Autour d'un potager, des caravanes. Derrière des buissons, une maison squattée. Une cabane collective par là, un camion aménagé par ici. Des mobilhomes, où se tenait il n'y a pas si longtemps une maison. Pour l'instant, c'est environ 80 personnes qui habitent à la campagne, dans la ville. Dont la majeure partie se connaît, s'organise collectivement et partage idées, matos, plans récup, galères, thunes, douches et cuisine. Tant et si bien qu'aujourd'hui, c'est dans plus d'une quinzaine de lieux dits que vivent ces personnes. Certaines par choix de vie, d'autres pour un projet, par amitié ou par nécessité. Au début, il n'est pas question d'habiter ce lieu-là. C'est certes un squat, parce que c'est ça la particularité. C'est en friche depuis facilement une quinzaine d'années, depuis le départ de ces maraîchers d'ailleurs. Et la mairie est complètement atone, elle ne réagit pas, elle est complètement dépassée par les événements. Suite à quoi, progressivement, donc, il y a des lieux qui sont ouverts. Il y avait déjà des bâtiments qui étaient abandonnés d'ailleurs, et qui étaient sur ce jardin-là, hein, donc sur cette grande friche, qui, de temps en temps, vont être détruits par contre par la mairie, etc. Il va y avoir des dynamiques comme ça, de lutte entre la mairie, donc les flics contre les occupants. Et puis, il y a des gens qui vont commencer vraiment d'année en année à s'installer, mettre des caravanes, construire des cabanes, au même titre un peu qu'à Notre-Dame-des-Landes. Donc on peut dire que c'est une micro-ZAD. Il y a une sacrée diversité d'horizons politiques qui s'entremêlent. Lutte paysanne, féministe, végétalienne, solidaire de personnes migrantes, écologie, soif d'autonomie, recherche d'un abri, vie collective, sens du partage et de la débrouille, refus d'une société avec la volonté d'en découdre face à un urbanisme ravageur, à une justice plus que partiale, à un monde occidental totalitaire dont l'impunité de ses élites n'a d'égal que la rage qu'elle inspire. Tout cela crée le tissu social dense et riche qui caractérise les Lentières. Quand on arrive sur la friche donc, du quartier des Lentières, c'est un jardin complètement ensauvagé. Donc vous voyez des petits plants de culture à droite et gauche, des courges, des tomates, tout ce que vous voulez. Et puis il y a des toilettes sèches, genre, donc on est dans un espace public, on va dire, hein, mais complètement autogéré. Et puis il y a des cabanes, de temps à autre. Il y a des caravanes, comme je disais, et puis des bâtisses, des beaux corps de ferme parfois, qui sont encore en l'état et qui sont habités. Donc on a une première impression assez folle quand on va là-bas. C'est bien la campagne à la ville. Il y a vraiment ce sentiment-là. On ne peut pas dire que ça soit silencieux parce que c'est juste à côté des rails, parce qu'il y a un train qui passe assez continuellement. Donc on est bien dans un espace urbain. Ça, c'est un peu pas... Autour de nous se resserre un étau qui broie l'humain et la terre, agresse celles et ceux qui choisissent une vie en opposition avec les valeurs capitalistes, mutile les imaginaires, favorise les possédants et leurs lèche-bottes, réprime et tue les autres dans les cités, au travail, dans les manifs, dans la rue. Et donc cette carte-là, elle est grise. Donc on voit plein de petits arbres, des petits murets, des trucs comme ça. Et chaque bâtiment en fait ressort en jaune. Donc on voit bien les espaces d'habitation qui sont vraiment plongés en fait dans plein de petits bosquets. En fait, hein. C'est comme ça, plein de bosquets en discontinu, plein de points. On voit aussi par le haut, on voit qu'il y a des serres. Donc des serres pro, hein. C'est vraiment des grandes serres qu'on pourrait trouver comme sur des espaces de culture maraîchère, productiviste et tout ça. On le voit bien. Et puis il y a plein de maisons, donc on voit bien à l'échelle. Donc l'espace, il fait 7 hectares. Quand on va les premières fois en fait, dans ce jardin-là, qu'on ne le connaît pas, c'est un véritable dédale. On se paume mais systématiquement. On ne sait pas où trop où aller, etc. Puis surtout que, comme c'est morcelé, il y a des petits jardins individuels. C'est ça la force de ce lieu-là, c'est que c'est vraiment composite. Il y a un jardin collectif. Donc là, il y a une quinzaine de personnes qui, depuis des années maintenant, donc, le suivent. Et puis, d'année en année, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, y avait en fait, cette friche. Et les gens alentour du quartier réellement, hein, de la ville autour, qui ont commencé à demander bah, comment on peut en fait accéder à ces terrains-là. Et ça s'est initié comme ça, au fur et à mesure. Et il y a bien plein de petits jardins individuels, on pourrait dire parfois familiaux. Il y a des gens qui viennent, des groupes de potes, etc., qui ont chacun leur jardin. Et puis, il y a eu encore une autre dynamique. C'était une personne qui était partie à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui avait ouvert une des premières fermes autogérées, voilà, quoi, une reprise des fermes abandonnées, qui s'appelait Le Sabot, qui n'existe plus maintenant, hein, sur la ZAD, qui a été détruit. Et lui, il était revenu d'un an d'expérience là-bas, avec la même intention, c'est-à-dire, bah, en fait, on peut nous produire assez conséquemment pour à des fins vraiment de lutte, hein, pour les cantines, et puis surtout avoir un petit marché, une fois par semaine, donc durant le printemps et l'été, à prix libre. Pour tenir les projets, les lieux, pour continuer à se serrer les coudes, on voyage régulièrement, collectivement ou individuellement, à la rencontre des autres gens qui, un peu partout dans le monde, s'organisent tout comme nous, pour imaginer et enrichir des valeurs humaines et sociales, pour mettre des bâtons dans les roues des tractopelles, partir à Nantes, rencontrer les zadistes, à Bure, où l'on voudrait créer une poubelle nucléaire, dans le Val-de-Suze, où depuis 40 ans, des villageois luttent sans relâche contre un projet de train mafieux. À Calais, où des milliers de personnes migrantes vivent un calvaire. Et donc c'est 7 hectares, c'est vraiment un espace d'exception dans la ville de Dijon. Il n'y a aucun espace comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui viennent de temps en temps qui disent « Ouais, bon, en fait c'est une sorte de bidonville en mieux. » quoi. Mais parce que en fait, tout cet espace-là, c'est un espace sur lequel la mairie, je sais pas, les flics, n'ont pas accès. C'est, pour eux, c'est une espèce de boîte noire. Il y a de temps en temps des représentants en fait, d'une société qui s'appelle la SPLAD, qui est la Société publique d'aménagement de l'agglomération dijonnaise, parce que le jardin des Lantières, actuellement, il est menacé par un projet d'écocité. Attention, ce n'est pas éco-quartier, mais éco-cité. Ils ont tout un projet complètement démentiel. C'est que ça veut dire qu'il y a une autre partie. Là, on voit la carte, elle représente un triangle, mais il y a un autre triangle, qui est donc il y a une grosse avenue qui les sépare, et là, qui est en cours de construction. Et là, il y a des quartiers modernes avec... voilà, genre des immeubles à énergie positive, ainsi de suite. Et c'est assez ironique parce qu'ils ont décidé en fait, d'appeler cette écocité, en fait l'écocité, des maraîchers. Alors même qu'ils vont justement retirer tout ce qu'il y avait. Donc c'est clair, c'est que le quartier des Lantières, il est en totale opposition avec la vision des politiques d'urbanisation de toutes les villes de France et de Navarre. Et c'est bien ça, c'est qu'en fait c'est un lieu où ce sont des habitants de Dijon qui s'organisent, voilà, qui sont autonomes de la politique urbaine de la ville. Et surtout, on avait un besoin de dire, il y en a marre d'être dans une position défensive. C'est un peu toujours ça, on défend le bocage, on défend ceci, on défend cela. Non, c'est en fait, on ne défend pas, on affirme. L'affirmation, c'est en fait, on est pour une forme de vie qui est présente. Et ce n'est pas dire, elle est en cours d'expérimentation, etc. Elle est là, elle s'expérimente, elle se vit. Des fermes, des squats, des lieux vieux de 40 ans d'expérience autogestionnaire, d'autres naissants, vigoureux, solidaires, où l'on bidouille, troque, donne, fait pousser et récolte avec respect. 1000 endroits en lutte pour sentir que nous ne sommes pas seuls. Connecter plein d'endroits et de gens, tisser une toile, un réseau dans lequel on partage nos expériences, nos forces, où l'on peut importer un savoir-faire ou repartir avec des idées qu'on n'aurait peut-être pas eues autrement. 1000 endroits où l'on peut confronter nos visions politiques, les enrichir, les répandre. 1000 espaces accueillants où l'on peut se reposer des intensités quotidiennes d'une vie tendue, accélérée, offensive, marginale et radicale. 1000 lieux qui ont besoin de soutien, autant d'aide à apporter qu'à recevoir. 1000 actions, blocages, barricades, 1000 possibilités d'exprimer son refus du monde tel qu'il est, de se mettre en jeu, parfois physiquement, face à un monde ennemi qui ravage tout sur son chemin. Personnalités politiques, banquiers, économistes, industriels et décideurs, gare à vous. Nous ne sommes pas seuls et nous sommes déterminés. La lutte continue. Voilà, du coup, moi je vais prolonger un tout petit peu l'enregistrement en tant que personne qui fait partie un peu de l'expérience de lutte aux Lantières sans être habitant. Et Alexis voulait un peu qu'on conclue sur, en donnant un peu des perspectives sur qu'est-ce que c'est les sortes de liens qui peuvent exister entre un lieu comme les Lantières et comme la quincaillerie. Et en fait, j'ai l'impression que à la fois c'est bien dit dans l'extrait sonore qu'on a entendu, à la fois il y a un côté peut-être qui manque ou sur lequel il faut plus insister, c'est comment un lieu comme l'Antillère, après une phase un peu de, justement de pérennisation, de défense de l'endroit en tant que tel, de consolidation de l'endroit en tant que tel, il arrive à se reprojeter sur un territoire plus large et dans plus d'alliances, etc. Quoi. C'est un peu une chose qui est là depuis le début, c'est-à-dire qu'il y a déjà plein de paysans, plein de gens du coin qui sont venus, plein de lieux, dont la quincaillerie, qui sont venus alimenter à la fois matériellement, en imaginaire, en énergie, ce qui a pu se passer au Lantière. Et en même temps, c'est un peu un des défis de ce qui va se passer dans l'avenir à Dijon, c'est savoir comment, à partir d'une pièce comme ça, on va pouvoir contrecarrer le mode de vie métropolitain, les plans de la métropole de Dijon, voilà, qui se déploie un peu dans tous les secteurs, du coup, du logement, mais jusqu'à l'alimentation, etc. Quoi. Et du coup, voilà, on se pose un peu les questions de qu'est-ce que c'est les sortes de circulation et d'articulation qu'il peut y avoir entre les Lantières, des endroits où il y a des ateliers à la campagne, et jusqu'à la quincaillerie. Quoi. C'est un peu ça, les perspectives... Les perspectives de l'avenir, et du coup il y a un espèce de feuilletage, voilà ce que j'ai déjà dit, qui va de la question de l'alimentation jusqu'à la question de l'esthétique, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Thank you. Cheval, la radio qui vous trotte dans la tête. Radio Cheval, la radio qui vous trotte dans la tête. Qu'est-ce que vous pensez en premier quand vous pensez à la parole errante? Le théâtre, la grande salle. Et vous, vous faites quoi quand vous êtes à la parole errante? On joue. On joue à cache-cache. Oui. On regarde des dessins animés dans la menuiserie. Pendant que papa et maman et toute la compagnie jouent une pièce. Voilà ce qu'on fait. Et c'est quoi la menuiserie? C'est un endroit de la parole errante. Bah, faut enlever ses chaussures en entrant. Elle est bien, il y a un grand tapis tout lisse. Un tapis dansé. Et vous, c'est quoi votre endroit préféré à la parole errante? La grande salle, parce que c'est très grand. Et aussi le jardin. L'endroit où on peut jouer à cache-cache. Bah, comme on dit, elle est très grande. Et il y a des gradins, mais parfois, ils sont pas là. Il y a une sonnerie quand on entre où il faut l'enlever. Il y a des lumières. Il y a des portes tout au fond où ça donne sur un endroit. Un peu comme un jardin avec des gradins en pierre. Les murs, ils sont tout noirs et tout gris. Oui, elle est vraiment très très noire, cette grande salle. Oui, haute. Très très haute. Très dur. Les toilettes, elles sont tout au fond de la grande salle. Tout au fond. Elles sont même pas dans la grande salle. Mais dans un couloir, tout au fond de la grande salle, où il y a des espèces de portes sans porte, d'entrée sans porte, où on marche dans un long couloir et à un moment, il y a des toilettes. Et il y a l'intérieur des toilettes. Et sinon, il y a une flèche où il y a marqué. Et l'intérieur des toilettes, c'est plein de photos. Il y a plein de photos. C'est surtout plein de dessins, plein de déco, quoi. On dit quoi? On éteint maintenant? Ouais, si tu veux. Non! T'avais un autre truc à dire? Oui. Vas-y. J'avais à dire que je pense. Je me souvenais plus très bien, mais je crois que ça résonne dans la grande salle. Tellement c'est où? Dans cette, dans cette très très grande salle, très très noire et très très haute. Dimanche dernier, comme il a été dit tout à l'heure, il y a eu le concert, après la pièce, il y a eu le concert de Pierre Pozor et de Guili Guili Goulag. Et donc, Guili Guili Goulag, c'est la musique qu'on a entendue là, il n'y a pas longtemps. Et ça fait partie des choses un peu qui sont entremêlées là pendant les dernières semaines. Et on va dire aussi, donc, un des objets, c'est aujourd'hui l'émission de radio qui a été fabriquée collectivement. Et que pendant ce temps-là, il y a eu pas mal d'ateliers, des discussions sur des questions communes, mais pour des lieux différents, qu'il y a eu Radio Nieu qui a émis en streaming quotidiennement pendant des heures et des heures. Il y a eu des repas après les spectacles. Voilà, il y a des enregistrements communs, des discussions sur les montages, enfin voilà, et sur la fabrication de cette émission. Et voilà, c'est pour dire que ça fait partie de ce qui s'est passé dans le lieu les derniers temps. Et par ailleurs, il y a des choses aussi un peu annexes, mais pas si annexes, qui se sont passées là. Alors, j'ai sous les yeux le journal de la quincaillerie. Et il faut dire peut-être que le départ de cette émission de radio, elle est venue d'une proposition de la quincaillerie de faire un atelier et dans cet atelier de faire un journal. Et on a repris cette proposition et on s'est dit, mais en fait, pourquoi on ne ferait pas un journal radiophonique? Ça veut dire que, et parce que nous aussi, depuis un certain temps, à La Parole Errante, on réfléchit à se doter d'un outil qui nous permettent de, disons, ressaisir, réfléchir autour du quotidien, du lieu, la parole errante. Et d'une certaine manière, le geste qu'on accomplit aujourd'hui est une façon d'inaugurer cet outil là. Alors, c'est ce qu'on a fait. Pendant à peu près 3 semaines, on a joué le jeu de réaliser une chronique de la parole errante, de ressaisir ce qui se trame dans ce lieu jour après jour, sachant que cette cohérence ne se réalise pas depuis le surplomb d'un lieu ou d'une ligne artistique ou politique, mais depuis une manière de faire. Si bien qu'on peut dire qu'à la parole errante, personne n'a une maîtrise de l'ensemble de ce qui se passe. Il existe une multiplicité de paroles errantes, comme on a pu l'entendre à travers le regard de Noémie et Margot qui racontaient quel regard et comment et quel vécu elle avait de ce lieu-là. Mais bon, il a fallu faire donc un choix et arrêter une période de temps. Et ce choix, donc, ça a été les 3 semaines de présence des endimanchés, le temps de leur installation, le temps de la répétition, mais aussi le temps le temps des représentations. Et ce qui est assez intéressant, c'est que bon, on peut dire on aurait choisi 3 autres semaines, à savoir les 3 semaines précédentes ou les 3 semaines qui viennent. On peut dire qu'un autre visage de la parole errante serait apparu. Mais bon, c'est celui-ci qui est apparu. Et ce qui est étonnant, c'est que donc on est allé simplement, hein, on a fait ce qu'on fait pas d'habitude parce qu'on n'a pas le temps, à savoir qu'on a assisté à tous les événements qui avaient lieu jour après jour. Alors ces événements, on peut en dire 2 mots. Il y a eu une rencontre qui s'appelait Alliance en mouvement, qui réunissait un ensemble de réalités qui ont participé au mouvement social de l'année dernière, et notamment des luttes syndicales dans des boîtes partout en région parisienne, donc initiative qui a été lancée par la plateforme d'enquête militante. Il y a eu aussi un atelier de réflexion et d'imagination collective où il nous a été demandé de réfléchir, d'imaginer la parole errante après l'effondrement du capitalisme. La parole errante et Montreuil et un peu les territoires sur lesquels actuellement nous habitons. Il y a eu aussi une conférence de Chamaillou autour de la présentation de son livre qui s'appelait La société ingouvernable. Et enfin, il y avait donc la pièce qui était Module Dada. Donc, on est allé documenter tous ces événements et puis on a enregistré des bouts et on va vous faire écouter maintenant des extraits. Radio Cheval. La radio qui vous trotte dans la tête. Donc l'expérience de l'intergare, elle est intéressante, même si ça s'est beaucoup concentré en région parisienne. C'était une rencontre, entre guillemets, nous on appelait ça la rencontre intergare, c'est-à-dire qu'on ne s'opposait pas aux âgés, on pensait que c'était important qu'il y ait des âgés locales dans chaque gare, que ce soit la gare du Nord, la gare de l'Est, Austerlitz, Saint-Lazare, etc., ou Châtillon, dans les différents sites, qu'il y ait des assemblées générales locales. Mais ensuite, on pensait que c'était important que les grévistes ils se retrouvent venant de différentes gares pour essayer d'échanger, de voir un peu comment on voyait la grève, comment on pouvait penser un peu la suite. Et du coup, ça, c'est une rencontre qui était intéressante parce que ça a permis de regrouper. À certains moments, on se voyait à peu près une fois par semaine, donc un peu à chaque, ou un peu plus parfois, à chaque séquence de grève on se retrouvait. Et ça a regroupé jusqu'à quelques centaines de grévistes. Donc c'est pas négligeable de ce point de vue-là, même si ça n'a pas été une alternative jusqu'au bout à la politique des directions syndicales, parce que c'était très verrouillé. Mais on a tenté quand même de créer un cadre qui cherche à dépasser justement cette stratégie perdante. Deux choses importantes à mon avis qui ont émergé de cette rencontre intergare. D'une part, le fait de dire qu'on était pour le retrait du pacte ferroviaire, donc réaffirmer ce truc-là, et ensuite d'affirmer la question de aucune négociation. C'est-à-dire que la stratégie, elle était pensée pour négocier. C'est-à-dire quand tu vas deux jours de grève, tu reviens au boulot trois jours. Bah en fait, ces trois jours-là, ils sont prévus pour aller voir le gouvernement, le Premier ministre, la ministre des Transports, etc., et chercher à négocier des miettes, quoi. Et nous, ce qu'on avait dit depuis le début, c'est qu'avec la rencontre intergare, c'est que nous, on ne voulait pas justement de négociation, qu'on voulait le retrait pur et simple du pacte ferroviaire. Cette rencontre intergare, elle était aussi une école de démocratie ouvrière. Contrairement à beaucoup d'AG qu'on a pu voir en province ou même en région parisienne, les AG où tu as en gros les 3-4 représentants qui parlent, après on coupe le micro et on rentre chez nous. Contrairement à ça, la rencontre intergare, c'était un lieu où les cheminots, ils pouvaient venir, qu'ils soient syndiqués, non syndiqués. Du moment où tu étais un cheminot gréviste, tu pouvais venir, tu pouvais donner ton avis, tu pouvais intervenir, prendre la parole, proposer des choses, dire ce que tu avais envie de dire, etc. Et c'était vraiment un lieu d'échange assez riche. Et c'était aussi un lieu de coordination des différents grévistes de la région parisienne. On a fait même une rencontre Paris-Provence. Et les deux dernières choses que je voulais dire par rapport à la rencontre intergare, après je passe la parole. Donc d'une part, on a essayé d'avoir un peu notre propre agenda. C'est-à-dire que, on participait aux journées, aux séquences de grève perlées, les deux jours, c'était des jours importants. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu la fameuse journée sans cheminot, qui était une journée appelée par les directions syndicales, où on s'est inscrit dans cette journée-là aussi. L'Intergare s'est inscrit dans cette journée-là. C'était une journée importante où il y a eu un taux de grève important, enfin voilà, où on a mis un peu le paquet ce jour-là. Donc on s'inscrivait dans toutes les actions et toutes les journées importantes appelées par les directions syndicales. Mais on avait aussi notre propre agenda. On s'est dit, on ne peut pas rester les bras croisés juste à attendre que les directions nous appellent un jour à faire grève, etc. Mais on voulait aussi avoir notre propre calendrier. Donc on a, par exemple, le 7 mai, qui était le jour où, en gros, les organisations syndicales étaient reçues par le Premier ministre. Nous, on s'est dit, ce jour-là, il faut que l'Intergare elle soit mobilisée. C'est le jour où on a fait une action à Montparnasse qui a été réprimée par les flics. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Nous, on se rappelle bien parce qu'on a eu plein de gaz dans la gueule. Ça, c'était un exemple. Un autre exemple, c'est le 22 mai. C'est le jour qui était une journée de grève chez les fonctionnaires. Bon, l'Intergare, ce jour-là, appelait à la grève. C'est un jour qui a été pas mal suivi, y compris par certains collègues sur la région parisienne. Parce qu'on s'est dit, nous, on veut la convergence, mais il faut la faire. Enfin, au moment où il y a d'autres secteurs qui sont en grève, bah, nous, c'est ce jour-là, en fait, qu'on voulait se mobiliser, même si ce n'était pas dans le calendrier. Et le dernier jour important, à mon avis, c'était le jour du vote au Sénat. Où pareil, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les médias, il y avait tout le discours de dire, voilà, c'est plié, c'est bon, c'est fini, c'est voté, il n'y a plus rien à faire, les cheminots, rentrez chez vous. Voilà, et ce jour-là, nous, on a envahi le siège de central de la SNCF à Saint-Denis pour chercher à dire, voilà, on ne rentre pas chez nous du tout, on continue la lutte contre le pacte ferroviaire, ce n'est pas fini. Cet intergare, il y avait beaucoup de cheminots qui étaient en désaccord avec la stratégie qui était proposée par les directions syndicales, qui, pour beaucoup, comme Clément, comme moi, etc., on était en grève reconductible, c'est-à-dire c'était une grève militante, hein, c'était pas, on ne se racontait pas d'histoire, on ne pensait pas qu'à deux ou à trois ou à une petite poignée des cheminots en grève reconductible, on allait changer la donne, mais on pensait que c'était important de montrer par l'exemple ce que nous, on pensait qui devait être la stratégie. Et une des choses qu'on a faites pour ça, on a fait des motions, par exemple, qui ont été votées dans plusieurs AG, même à certains moments qui ont été reprises, même dans l'Assemblée générale de province, des motions qui critiquaient la stratégie des directions syndicales, qui demandaient un changement de stratégie, etc., quand on voyait que la grève, elle ne permettait pas de faire reculer le gouvernement. Et on est même allé jusqu'à sous les fenêtres de l'intersyndicale pour dire, voilà, nous, on veut un changement de stratégie. Bon,

soit positif par les stock options ou négatif par le marché pour le contrôle d'un côté, et puis gouvernement, dégouvernement, dégouvernement de l'État par les marchés des obligations et de la dette. Leur utopie, parce qu'il y a une part de foi et de croyance dans leur machin, c'est qu'ils avaient trouvé un instrument de méta-gouvernement. Bon, à l'évidence, on arrive à la limite de ce modèle-là. Moi, je ne suis pas économiste, hein, mais ce que disent les économistes de toute obédience aujourd'hui, c'est que le seul débat qui est entre eux, c'est de savoir à quelle échéance ça va se péter la gueule. C'est ça l'état des débats. Donc, à mon avis, mais pour te répondre clairement, c'est le prolongement de ça, et j'aurais tendance à penser que le sursis est bientôt terminé. On revient à l'actualité d'un effondrement et d'une fin. Ce qui impose, alors là, c'est de manière trop générale, mais je pense qu'il faut poser des horizons un peu larges. Je crois que la tâche, alors stratégique, c'est, je ne vais pas vous dire que faire, mais il me semble que ce serait assez urgent de réouvrir un imaginaire post-capitaliste. Pas juste de penser une transition écologique, mais pratiquement et théoriquement de se poser la question d'une transition post-capitaliste. C'est très large, mais ça donnerait de manière ambitieuse et large la question à se poser. Je n'ai pas de réponse, mais cette question-là, elle me paraît importante. Et donc, pour faire directement transition à ce que vient de dire Grégoire Chamaillou, on va vous présenter un petit peu ce dont il a été question dans l'introduction, là, les ateliers d'imagination et d'écriture, depuis un livre qui s'appelle « Bâtir aussi, atelier de l'antémonde », où il s'agit de travailler des imaginaires, donc non pas dystopiques, comme on dit, mais plutôt la contrainte, c'est de travailler des imaginaires post-capitalistes qui nous soient désirables. Et par ailleurs, là, c'est une toute petite remarque individuelle sur, quand même, par rapport à ce que disait Grégoire Chamaillou, peut-être qu'il va quand même falloir l'aider à s'effondrer, le capitalisme, que peut-être ça ne va pas non plus se faire tout seul, on verra bien. Mais... Et donc, je lis la quatrième de couverture du livre, et après, place au récit. 2011. Les printemps arabes ont donné le ton à d'autres révoltes. Un mouvement mondialisé s'étend, c'est l'Araka. Les productions industrielles, les États et toutes les hiérarchies vacillent. Des dynamiques populaires s'entrechoquent pour répondre aux nécessités de la survie et dessiner un futur habitable. 2021. Les communes libres s'épanouissent sur les ruines du système. Comment vivre avec l'héritage de l'antémonde? Comment faire le tri des objets et des savoirs d'une époque aux traces tenaces? Les haraks dessinent leur quotidien en fonction de leurs ressources et de leurs rêves. Des dynamos aux rites funéraires, des lave-linges aux assemblées. Ces nouvelles d'anticipation politique racontent non pas une utopie parachutée hors sol, mais des routines collectives qui se confrontent à la matière, à ce qui résiste dans les têtes, bâtissant un monde qui s'espère sans domination. Montreuil, commune du 9-3-2022. Nous sommes en 2022, après la guerre civile entre la commune du 9-3 et l'État libre Versailles-Neuilly, quand Paris n'était plus qu'une zone de guerre. Après la grande récupération des denrées non périssables des supermarchés, des tonnes de matériel électronique, des livres sauvés de la BNF incendiée, du métal de la Tour Eiffel déboulonné, des disques durs de la Banque de France. Après la grande disette, quand la population des villes bataillait avec les autres animaux en concurrence pour la nourriture. Après l'exode urbain massif, qui laissa tant de bâtiments abandonnés. En 2022, à Montreuil, les chantiers écoles ont réintroduit l'élevage. Troupeaux mixtes, chèvres et moutons. Et les cultures en terrasse au parc des Quillans et des Beaumont. Beaucoup de terrains sont encore en dépollution et les zones toxiques, impossibles à dépolluer, sont entourées de rues balises. Ne pas habiter, ne pas cultiver. Toutes sortes de vélos, tricycles et triporteurs circulent dans la ville. La plupart des toits ont été terrassés et mis en culture. Il y a des champignonnières dans les parkings et des brasseries dans les caves. Les anciens centres de santé fonctionnent toujours et se sont multipliés dans la ville comme des lieux de médecine préventive. À l'hôpital communal de La Boissière André Grégoire, on se concentre sur les maladies graves. Et un collectif réunissant ingénieurs, usagers de Médoc et teufeurs experts en MDMA cherche à mettre en place un laboratoire de production locale de molécules. En 2022, la parole errante s'est étendue à de nombreux bâtiments de la rue piétonne désertée dans ses commerces et de la plupart de ses habitants. Le lieu n'est plus seulement une grande zone de stockage et d'inventaire du matériel accumulé lors de la grande récupération. Elle foisonne d'une multitude d'activités publiques, de la ferme école aux cantines de rue midi et soir, en passant par le ciné-club de l'Antémonde ou l'atelier permanent Radio Michto, qui émet désormais en FM dans toute la commune du 9-3 sur la fréquence 107.8. 12 février 2022, à la parole errante. C'est la 90e réunion du groupe Mémoire, à raison d'une réunion par semaine. Les plus jeunes ont insisté pour qu'on fasse quelques réunions sur l'Antémonde, alors que juste là, il avait été décidé de se concentrer sur la période du soulèvement, sur les 10 premières années de la RACA. Les jeunes en avaient un peu marre des faits d'armes, des récits de la guerre civile, des bouts d'histoire qu'ils avaient plus ou moins vécu. Ça va, ça on le sait, ça ne nous apprend rien. On veut savoir de l'avant. On veut savoir ce qu'on ne connaît pas. Ça avait été de longues discussions pour décider si on allait faire ça. Revenir sur cet Antémonde dont on avait mis tant de temps à se débarrasser. Et puis c'est les vieux, les vraiment plus vieux qui avaient insisté pour qu'on parle de ça aux réunions. Celles et ceux qui avaient vécu la guerre de 39-45, les restrictions, les rationnements, et qui avait constitué, il y a déjà 7 ans, des groupes de transmission de savoir sur l'Antémonde à propos des techniques de débrouille inventées au quotidien pendant cette guerre. Bien. La parole est à tous et toutes. Chacun peut évoquer des souvenirs, poser des questions, approfondir des problématiques, trouver des résonances avec aujourd'hui et surtout à l'esprèse. Iggy Oz. J'ai jamais trop osé la question, et à chaque fois j'oublie. Et c'est peut-être parce que j'arrive pas bien à comprendre. Mais c'était quoi un syndicat? C'était quoi le travail? Tous ensemble. Du peu que j'ai discuté avec les autres et tout, j'arrive pas bien à comprendre. J'ose pas trop, mais je me lance. Est-ce que le travail a totalement disparu? Par exemple, est-ce que quand je vais pendant une semaine à la champignonnière des anciens parkings, et que pour tout dire ça me fait chier, est-ce que c'est du travail ou pas? Parce que de ce que j'ai compris, un peu, ça a l'air de se ressembler. Est-ce que quand on se résout à aller traire des chèvres au parc des Beaumont, parce que les autres groupes nous font la misère pour qu'on prenne notre part, c'est du travail? Voilà, c'était ma question. Billy lui sourit et lui donne un petit coup de coude genre cool Raoul. Et celles et ceux qui avaient vécu l'époque du salariat, des syndicats, Confédération Générale du Travail, Confédération Nationale du Travail et tout le toutim, faisaient alors toutes sortes de mimiques, bouche pincée, yeux en l'air, grand soupir. La suite de la réunion risque de ne pas être une mince affaire. Mars 2022, à la parole errante. L'arme décisive du guerriero est le mot. Voilà. Je me suis souvenue que je suis rentrée dans ce lieu, à la parole errante, par ces mots peints sur notre énorme banderole qui mangeait tout l'espace du hangar. C'était encore l'Antémonde. Ça me fait bizarre de m'en souvenir aujourd'hui, en pleine réunion hebdo du groupe Mémoire, alors qu'il est question de renommer les différents espaces du lieu. Les renommer pour faire voir à tous le chemin que nous avons parcouru ensemble. En moins de 2 réunions, un exploit. On est arrivé à tomber d'accord sur la plupart des noms à attribuer aux différents espaces. L'Arche Armand Gatti, pour la grande salle, évidemment. la cafétéria médiathèque Michel Firk, le centre social Génie Marx, la ferme école Jérôme Larronze, le jardin d'enfants Christiane Rochefort, le magasin général Jacques Rancière, l'atelier d'antiproduction Gaston Lagaffe, le cinéma en plein air Hélène Châtelain, qu'elle inaugurera elle-même le mois prochain. On s'est mis d'accord pour utiliser aussi des noms de belles personnes vivantes. Mais on doit maintenant décider de la couleur de la peinture qu'on utilisera pour dessiner ces noms. Et là, ça se complique. Rouge, trop sanglant pour les uns, sale pour les autres. Noir, trop triste ou trop panard. Jaune, c'est la couleur des Neuilléens versaillais et Neuilléennes versaillaises. Vert, c'est l'unique couleur acceptée par les primotifs qui pourrissent toutes nos AG. Moi, je vais défendre le bleu, maintenant qu'il n'y a plus de flics en uniforme. Vu la teneur des débats, je pense que je prendrai la parole la prochaine fois. Un soir du printemps 2022 à la Parole Errante. Je voudrais tenir le bar, faire les entrées, donner un coup de main pour la sono ou montrer aux invités le chemin du dortoir pour la fin de la nuit. Mais ce n'est pas une de nos fêtes. Les autres ont tout bien prévu à leur manière. Je ne suis pas dans l'organisation. Je devrais boire une bière, aller danser. Je ne sais plus faire la fête. Trouvez-moi une fonction sociale claire dans ce beau bazar. Oui, c'est vrai, c'est beau de voir toutes ces personnes s'amuser. Il faut que j'apprenne à faire la fête. Je m'arrête dans la salle. Tout bouge autour de moi. Je vois le sol se disperser sur les chaussures de toutes. Danser, prendre une bière, mettre du PQ dans les toilettes, refermer la porte bleue derrière qui donne sur un trou béant, s'élancer devant la porte du local électrique, escalader l'échafaudage, tomber d'une marche, tituber, virer un gars, se recoiffer dans un miroir couvert de tags. Sans bouger, je vois ou devine tous ses gestes, toutes ses mains, tous ses doigts, ses ongles, prendre les portes, saisir les pots. Danser, se prendre par le cou, faire un croche-pied, cracher un bout de tabac, régler les lumières qui aveugleront. Renverser la nuit, faire la fête. Seuls nos yeux dansent, des yeux fous. Et derrière, une image fixe. La boîte de nuit de... Je cligne des yeux, j'ai mal aux paupières. L'automatisme des gestes continue, pris dans les frasques de la boule à facettes. L'image fixe derrière. L'alcool m'éclate les tympans à chaque gorgée. Je suis sûr qu'on va finir sourd, aveugle ou mort à force d'en boire. Mais j'en bois. On en boit. Très peu. En mettre un peu sous la langue et le garder quelques secondes avant d'avaler. La parole errante est toujours là. Même odeur, même trou béant derrière laissé par les assauts de 2015. On a dû apprendre à nouveau à jouer après tout ça. Parce que tout ça n'était pas un jeu. Tout ça nous a enlevé de nos corps des morceaux de plaisir, de joie, des envies de rencontre ou de flirt. Tout ça, on doit le dépasser et jouer, faire la fête, se regarder dans les yeux sans penser à rien. Danser, on a traversé une guerre, pourrait-on dire, un soulèvement, une révolution, dans tout ce que cela raconte d'oppression, d'horreur. On voulait ça. On le voulait, mais en même temps, on se l'est bien pris dans la gueule. Ce ne sont plus seulement des oiseaux qui viennent picorer là. Maintenant, il y a des renards. Gatti serait heureux, enfin j'imagine, bien qu'il parlait surtout des rossignols. Moi, j'ai triché pour les attirer, les renards. J'ai même un peu menti pour prendre une portion supplémentaire dans les réserves en disant que c'était pour la voisine. Mais la viande attire plus sûrement un renard que les restes de salade. Je l'ai peinte en gris pour qu'elle ne se voie pas au milieu des graviers. C'est tout au fond dans un coin, mais on ne sait jamais. Étienne avait retrouvé des réserves de colorants alimentaires dans l'ancienne pizzeria. Je ne sais pas ce qu'il en faisait, mais ça a bien marché. Ça fait 3 jours qu'il vient. Presque toujours à la même heure. Toujours à l'aube. Quand tout le monde dort encore. Certains fument en terrasse, mais ils n'y voient rien. Ils n'entendent pas non plus. J'aime beaucoup Montreuil à l'aube, quand il n'y a personne sauf les fouines et les renards. C'est compliqué d'ailleurs. L'autre jour, un renard a attrapé une fouine. Certains en étaient tristes. Il ne faut pas qu'ils apprennent que je les attire exprès. Tout ça, ça va encore faire des débats monstres entre les véganes radicaux et la cantine carniste spécialiste dans les kebabs d'or. Et tout simplement avec toutes celles et ceux qui en ont marre de batailler avec les animaux chaque fois qu'ils, elles, bougent d'un lieu à l'autre. C'est vrai que se sentir suivi par une vingtaine de chiens errants dans la rue, ça fait pédaler beaucoup plus vite. Mais après tout, s'il y a des fouines et des renards ici, c'est parce qu'ils peuvent encore se planquer. Même si je ne vois pas comment ils tiennent face aux animaux qui vivent encore dans les ruines. Radio Cheval, la radio qui vous trotte dans la tête. Couper les arbres, ça c'est lamentable. C'est le temps qu'il faut pour qu'ils repoussent. De toute façon, ils n'en mettront pas d'autres. Hein. Ils n'en mettront pas d'autres ? Non, je ne pense pas. Hein. Ils vont garder les magnolias, heureusement. Mais bon, on ne comprend même pas ce qui se passe exactement. Ça fait 20 ans que je suis là et je comprends pas. Il y a une rénovation, ok, on l'accepte pas. Par contre, pourquoi couper des arbres à un endroit où on sait que sur le plan, il va y avoir le jardin d'enfants. Il va se retrouver quasiment au même endroit, légèrement décalé. Il y avait un ou deux tilleuls qui étaient là, qui auraient fait un super bombrage, côté sud. Et ben non, à la place, on va mettre des arbres comme ça, pour nomino, quoi. Alors que tout le monde sait ça, quoi. Tout le monde le sait, sauf à Marseille, qu'il faut des arbres. Qui plus est pour nos enfants. Il s'appelle Jean-Louis Knidel, il est paysagiste, il travaille pour l'agence APS. Il a pour projet de déraciner 87 arbres, c'est sa manière à lui d'aimer les arbres. Il est paysagiste, il a pour prénom Jean-Louis et pour nom Knidel. Il travaille pour l'agence APS, il a pour projet de déraciner 87 arbres, c'est sa manière à lui d'aimer les arbres. Il est paysagiste, il s'appelle Jean-Louis Knidel, il ne dit pas déraciner mais transplanter. Il est paysagiste conseil de l'État. Il a pour projet de déraciner 87 arbres de la place Jean Jaurès à Marseille. Il est fier de son projet. Il est membre de la Maison de l'architecture de la Drôme. Il dit... Contextuel, poétique et sensible. Il dit... Notre souci est de situer les projets dans leur géographie pour en révéler les potentialités et la mémoire des lieux et de rendre compte des qualités d'usage et des pratiques sociales. Il s'appelle Jean-Louis Knidel. Il est né le 9 juillet 1960. Il est gérant de l'entreprise Agence APS, aménagement des paysages et des sites paysagistes. Il veut déraciner 87 arbres de la place Jean Jaurès. Il veut la place pour faire son paysage. Il a son idée. Son paysage est dans sa tête. Les arbres de la place ne sont pas dans sa tête. Il dit « Notre souci est de situer les projets dans leur géographie. » Il s'appelle Jean-Louis Knidel, il a 58 ans. Il aime les gros projets. Il en est fier. 87 arbres, il en est fier. Il gagne de l'argent en déracinant 87 arbres, c'est son gagne-pain. Il gagne son pain à Marseille en déracinant 87 arbres. Il a son paysage dans sa tête, il veut son paysage. Les arbres de la place ne sont pas dans sa tête. Il s'appelle Jean-Louis Knidel, il est membre de la Maison de l'architecture de la Drôme, et dans sa tête, il n'y a pas sur la place Jean Jaurès 87 arbres plantés en 1981-1982 en bonne santé. Il s'appelle Jean-Louis Knidel, il est paysagiste conseil de l'État, et dans sa tête, il a un paysage, et dans son paysage, il n'y a pas les arbres de la place Jean Jaurès. Il s'appelle Jean-Louis Knidel, et dans sa tête, il n'y a pas de paysage. Dans sa tête, il y a une idée. Et son idée a besoin de place, a besoin de la place, a besoin de déraciner 87 arbres. Il s'appelle Jean-Louis Knidel, il a 58 ans et il prend de la place. Il est paysagiste, il ne trouve pas les arbres de la place majestueux et suffisamment développés. Il est paysagiste et il veut planter ses arbres à lui. Il est paysagiste et il veut remplacer les arbres avec ses arbres à lui. Il est paysagiste et il veut remplacer une population qu'il trouve insuffisamment développée. Il est paysagiste et il veut une population développée. Il s'appelle Jean-Louis Knidel. Son nom est une machine qui déracine 87 arbres à Marseille sur la place Jean Jaurès. Son agence est le moyen par lequel il tire profit de sa machine. Elle est située au 31 Grande Rue, 26 000 Valence. Touchez pas la plaine, touchez pas. Élevez vos salles partout de là. Bulldozer, architecte de mafia. Ce quartier ne vous regarde pas. Touchez pas à la plaine, touchez pas. Elle est à tous et à tous restera. Si elle change, ne vous en faites pas. C'est le peuple qui la transformera. Touchez pas à la plaine, touchez pas. Élevez vos sales pattes de là. Bulldozer, architecte de mafia. Ce quartier ne vous regarde pas. Touchez pas à la plaine, touchez pas. Elle est à tous et à tous restera. Si elle change, ne vous en faites pas. C'est le peuple qui la transformera. Ignaz das Lied vorspielen. Benoît va vous présenter la chanson. Benoît is going to present you the song. Alors, en parlant des lieux, il y a des lieux des fois qu'on essaye d'ouvrir, mais qu'on n'arrive pas à ouvrir. Et c'est le thème un peu de la chanson qui vient, qu'on a coécrite avec celle qui chante, Mégane, enfin que j'ai coécrite avec celle qui chante, et puis plein d'autres. C'est un lieu qui s'appelait Gringrin et qui était un squat qui a été ouvert de manière éphémère. C'était une maison qu'on croyait abandonnée, mais en fait qui appartenait à un gars qui était en divorce, qui l'avait laissé. Et quand il est revenu nous voir, et ben on lui a dit « bah ouais, t'es en galère comme nous, on va te laisser la maison ». Mais la chanson a été écrite le moment où on a ouvert, l'après-midi. On est à l'intérieur de la maison et on reste assez longtemps, évidemment, il faut toujours de la présence. Et voilà, sur la question des lieux, c'est aussi une chanson qui, ici à Montreuil, nous rappelle un peu tous les lieux qui ont été ouverts. La clinique, la demi-lune, la boucherie, Carnot, etc., etc. Et Los Angeles. Et voilà, elle arrive bientôt. Il y a Pérusse qui jouait à la guitare. Petit berceau qui joue aussi de la guitare dans cette chanson. T'as vu l'heure? Dadayama, non stop. Here we go. Exalto mortale. The ego zob. Through the looking glass, malice in Wonderland. What's cooking, lord of own country? Heil, hell, hell. Dadayama, calling Dadayama. 1, 2, 3, 0, 0, calling Dadayama. Who is who? Oh. where I'm from, Lourdes, Sodom, Potsdam, Moscow. Praise the Lord, Lord, glory, welcome to Dadayama, Napoli, Hemori. Dadayama bring das Blut in Wallung, so wie die Wolke Seele erbar. Right front meeting of the by the for the people in Dadayama Minera on El State Sodom Lut Potsdam Moscow Unzucht ein Will Darum jeder Keimer in Dadayama calling Dadayama Dadayama Napoli. Salto mortale! Dadayama! Das Blut so wie die Wolke Seele zum Kochen im Mädchenkopf. Alf Blech, Alf Eisen, wer sie bergt, gleich die wieder durch. Dadayama, calling Dadayama. 1 2 3 0 0 calling Dadayama. Welcome to Dadayama, Napoli, Emory. Oh là là, c'est bon les gars, franchement ils sont trop chiants, ils sont en complet décalage rationnel. Ouais, ils déversent leur collection détestable de ruminations. Sans parler de leur culpabilité digne des religieux. Faudra en finir avec ce culte du discours rétrospectif. Eh mais vous êtes qui là les gars là? Hein? On est qui? Mais on est le CDR. On est le CDR, on est le comité des ravagés. Ouais le CDR, c'est avant tout le complet délice de la rencontre. Le CDR se veut concret, direct et rédhibitoire. Ouais. Le CDR s'amuse à casser sans doute ce qui rutile. Et il ne cessera jamais de courir derrière les réjouissances. Par contre, le CDR n'apprécie guère la complaisance douteuse de qui regarde. Ne trouvez-vous pas que le confort même est dérangeant au vu des résultats? Quoi que l'on pense de ce curieux déluge dans le réel, ici, maintenant... La fuite hors du temps, c'est la fuite hors du théâtre. Allez, on se casse, les gars. Tout le monde déteste les spectateurs. Tout le monde déteste les spectateurs. Voilà, du coup, sans transition, encore une fois... ce que vous venez d'entendre, c'était une tentative de faire revivre un peu l'intervention qu'il y avait eu en janvier 2017 pendant une des représentations à Dijon des modules Dada. Et du coup, ça va nous servir à introduire la discussion qui doit avoir lieu, ou la question qui chapeauterait la discussion, ça serait un peu... quel est le rapport entre le théâtre et le réel, ou est-ce qu'une irruption du réel dans le théâtre est possible, et est-ce qu'une irruption du théâtre dans le réel est possible? Gros morceau. Et du coup, la question que je vais résoudre devant vos yeux grâce à mon exposé un petit peu scolaire, mais j'espère qu'il sera clair au moins, la question que je vais résoudre, c'est une obsession qui hante les endimanchés depuis des années, ou en tout cas qui hante un de ses metteurs en scène, Alexis Forestier. Donc c'est la grande question des frontières du théâtre et du rapport entre le théâtre et la vie, et le théâtre et la politique. Voilà. Et du coup... ce qu'on a lu là, l'intervention qui avait eu lieu en janvier 2017, du coup c'était un peu plus de 6 mois, 9 mois après le mouvement contre la loi travail en 2016, qui avait battu son plein un peu partout en France, dont à Dijon. Et donc, il y a eu 40 personnes qui, vers la fin du spectacle, au moment du module Dada Spartacus, déboulaient sur scène depuis le public et se mettaient à pogoter derrière les acteurs pendant qu'ils éructaient le manifeste Dada Spartacus. Voilà, du coup, à la fin, l'espèce de narrateur essayait de reprendre la parole, il se faisait couper, il y avait cette espèce de manifeste incompréhensible du CDR, et on partait en conspuant le théâtre et le public. Voilà, et on conspuait, puis on invitait aussi le public à rejoindre la réalité, c'est-à-dire à sortir dans la rue et à saccager la ville, quoi, en gros. C'est une sorte d'insulte, invitation au public, quoi. Voilà, et du coup, ce qui a permis ça, évidemment, c'était l'énergie qui s'était trouvée dans la rue au printemps 2016, donc cette espèce d'énergie un peu subversive, on pourrait dire. Et ce qui avait permis ça, c'était l'espèce de liant, de force collective qui se manifestait dans le théâtre, comme elle avait pu faire irruption dans les banques, dans les conseils municipaux. Voilà, c'était cette espèce de force qui nous a permis de nous arracher à notre siège, de faire un peu, de manifester un peu le liant qui nous tenait ensemble depuis l'année d'avant. Et voilà, de faire irruption sur la scène du théâtre. Donc voilà, j'avais dit que mon exposé était un peu scolaire, on pourrait dire qu'il y a comme trois parties, là je viens de faire la première partie, c'est est-ce qu'il y a eu une sorte d'irruption du réel dans le théâtre en janvier 2017 pendant les modules Dada. Donc première partie, oui, avec cette espèce d'exposition des faits. Donc l'irruption du réel, le réel ça serait la contestation sociale, politique, l'insurrection, je sais pas, dans le théâtre qui serait l'espèce de temple culturel figé qui représenterait l'ordre établi, quoi. Donc la deuxième partie, c'est évidemment non, c'est pas ça qui s'est passé. Déjà parce qu'on était en janvier 2017, du coup on n'était plus vraiment dans le mouvement, même si on espérait encore qu'on pourrait bloquer les élections, empêcher Macron d'arriver au pouvoir, etc. Voilà, c'était plus vraiment le mouvement. Ensuite, parce qu'on n'a pas vraiment fait, comme vous avez pu peut-être le percevoir un petit peu dans le texte qu'on a lu, on n'a pas vraiment fait une intervention d'actualité, une intervention militante, quoi. On a écrit un texte voilà, pour manifester l'espèce de joie qu'on avait d'être ensemble, etc. Et ensuite, parce que ce qu'on a fait, c'est pas faire irruption dans une banque. On était là. Là, ce qui s'est passé, c'était plutôt une complicité. D'ailleurs, le texte avait été écrit, ça avait été fomenté à l'avance avec les endimanchés, etc. Donc, c'était plutôt le fruit d'une espèce de complicité, quoi. Donc en fait, cette effraction, c'était plutôt le visage d'une rencontre qui venait, une rencontre entre voilà, notre énergie, l'énergie de plein de gens qui s'étaient rapportés au mouvement et les endimanchés. Et c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le comprendre, parce que sinon c'était un peu un échec. C'est-à-dire que si le réel, ça avait été la contestation politique, je ne sais pas trop ce qu'on aurait fait en fait si on avait réussi à embarquer tout le public dehors, quoi. Le réel, il aurait un peu en quelque sorte échoué dans le caniveau, quoi. On se serait retrouvé, ça aurait été marrant, mais pas très longtemps, quoi. Et voilà, du coup, il y a des petits vieux du public qui sont venus nous voir à la fin, qui nous disaient, oui, je sais, j'ai hésité à venir vous rejoindre. C'est vrai qu'on voit ça régulièrement au théâtre, le public qui prend part à la représentation, etc. Du coup, finalement, c'était assez classique en termes de rupture dans le théâtre, quoi. Donc, c'est autre chose qui s'est passé. C'est pas le réel dans le théâtre, c'est la rencontre entre cette espèce de commun un peu du mouvement, cette espèce de ces gens qui s'étaient trouvés dans le mouvement et les endimanchés. Et du coup, c'était comme la rencontre entre... donc on passe du rapport réel au théâtre à... C'est pas le réel qui arrive dans le théâtre, c'est des réalités là, qui viennent se rencontrer et manifester quelque chose, quoi. Et du coup, ces réalités, c'est donc, je me répète, là, une communauté de lutte et une compagnie de théâtre. Et chacune de ces réalités, de ces expériences, elle a un peu sa consistance propre, ses codes, ses limites, ses manières d'apparaître aussi, ça c'est important. Et un peu ses potentiels, quoi. Et c'était un peu la question de comment ces potentiels peuvent se croiser. Et voilà, ce qui nous poussait, c'était ce désir et ce besoin d'articulation, pour voilà, se projeter dans la construction d'une autonomie, d'une autonomie qui peut être politique et d'une autonomie qui peut aussi être esthétique, quoi. Et donc, ce qui est important de dire dans la perspective de cette construction de l'autonomie, c'est aussi que derrière tout ça, il y a des lieux, quoi. Il y a des lieux concrets qui permettent à ces énergies-là d'apparaître et qui leur permettent de s'articuler. Et donc, derrière les endimanchés, il y a la quincaillerie. Derrière la communauté de lutte dont j'ai parlé, il y a plusieurs lieux à Dijon, les tanneries, les lentillères, dont on a déjà entendu parler plus tôt dans le plateau radio. Voilà, et du coup... Ce qui se passe à la quincaillerie, je dirais que c'est une sorte d'esthétique de l'expérimentation, et c'est important de le dire pour la suite du développement, une espèce d'esthétique de l'expérimentation au sens où à la fois ce qui nous a touché nous quand on a rencontré la quincaillerie, c'était l'espèce d'accueil hyper large qui caractérisait l'endroit, c'est-à-dire que à la fois nous et plein d'autres gens, on pouvait se rapporter, venir faire plein de choses différentes. Il y a plein de gens, souvent assez bizarres, qui viennent proposer des formes, parfois abouties, parfois inabouties, parfois inachevées. Il y a à la fois cette capacité d'un accueil super large et en même temps une exigence assez forte. Et l'exigence, c'est un peu voilà, de proposer des choses qui soient en rupture un peu avec les clichés habituels qu'on nous sert. Dans le monde du spectacle, quoi, dans le spectaculaire. Quoi. Voilà, du coup, la première réponse à la question qu'est-ce que c'est le rapport qu'on peut trouver entre l'art, la vie et la politique, c'est pas cette manière-là que le réel aurait de faire genre l'insurrection aurait de faire irruption dans le théâtre comme représentation de l'ordre établi, et ce serait plutôt de chercher justement la continuité de cet emboîtage des réalités dont j'ai parlé, comme une chaîne continue, et de perpétuer une espèce de chaîne continue d'expérimentation qui lierait la construction d'une pièce de théâtre avec ce qui peut se passer dans la rue, avec ce qui peut se passer dans des lieux, dans la vie quotidienne, etc. Et ça, c'est super important de dire que c'est pas un événement qui donne la réponse, c'est que c'est déjà là de plein de manieurs différentes, ça existe déjà dans le lieu, c'est déjà ce qu'on tente ici, ce qui est tenté des fois à l'entière, à la quincaillerie, aussi à la parole errante. Quoi. Donc c'est quoi un peu cette chaîne, cet emboîtage de contre-culture, pour simplifier? Ça existe déjà sous forme de concerts, ça existe sous forme de fêtes de rue, il y a des interventos, il y a des films, il y a des manières de faire la fête, il y a plein de pratiques comme ça qui participent, à mon avis, de cette espèce de manière qu'on pourrait dire de cette chaîne qui relie la création de pièces artistiques, de pièces de théâtre et d'œuvres artistiques à plein d'autres choses de la vie quotidienne et de la lutte politique. Voilà. Et pour finir, j'ai déjà été un peu long, mais j'ai l'impression que ce qu'il faut tenir à distance aussi dans cette espèce de question introductive de l'irruption du réel, c'est aussi de manière plus générale que l'irruption, elle contient une espèce de vision un peu romantique de la révolution, quoi, qui à mon avis pose problème aujourd'hui et à la distance de laquelle il faut essayer de se tenir, dans le sens où serait cette vision de la révolution qui serait une espèce d'interruption du temps, alors que j'ai l'impression qu'on est tous embarqués plus ou moins dans une, encore une fois, une chaîne continue d'expériences avec des temporalités variables, des fois des expériences au long cours, de construction de lieux, d'autres choses, de maraîchage, de construction de pièces de théâtre, donc des expériences au long cours qui demandent du temps, qui sont à distance des événements politiques, et des fois il y a des phases d'accélération, des interventions, et que c'est plutôt ça qu'il faut avoir en tête dans nos perspectives, c'est comment on n'arrête pas de densifier cette chaîne d'expérience et cette multiplicité et ces différentes temporalités, quoi. Et derrière le truc de l'irruption, ce qui est dérangeant aussi, donc dans le truc de l'irruption du réel, c'est cette vision romantique de la révolution. Il y a aussi derrière la notion un peu de peuple, parce que le réel, ce serait le peuple qui viendrait, ou un peuple qui viendrait faire irruption sur les planches du théâtre. Et ça fait un peu la transition avec le dernier truc que je veux dire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce qui pose problème avec l'art aujourd'hui et avec le théâtre, c'est qu'il n'est pas en rapport avec un peuple, il est juste en rapport à la limite avec un public, quoi. Cette notion de public, elle me permet de faire la troisième partie de mon exposé un peu scolaire. Donc il y a eu irruption du réel, non, c'est pas ça, c'est des réalités qui se sont rencontrées. Et le troisième, ce serait, oui, c'est en fait... Ça dépend de quoi on parle, de quel réel on parle, quoi. Et si le réel dont on parle, c'est ces expériences d'autonomie qui peuvent être théâtrales ou qui peuvent être de lutte, de maraîchage, de lutte contre un écoquartier, etc. À ce moment-là, ce qui a fait irruption dans le théâtre de Dijon pendant le module Dada en janvier 2017, c'est cette recherche de l'autonomie qui a fait irruption dans le spectaculaire qui serait caractérisé à ce moment-là par le théâtre et le public neutre de spectateurs qui serait extérieur à tout, qui viendrait juste voir une pièce et qui repartirait peut-être un peu chamboulé, peut-être un peu touché par ce qui s'est passé, mais au fond, où il y aurait pas de rencontre particulière qui aurait opéré, quoi. Voilà. Et du coup, le problème, c'est qu'il y a un peu une abîme impossible à combler au théâtre lui-même, dans la boîte un peu du théâtre lui-même, entre ces expériences d'autonomie et ces spectateurs extérieurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre à recruter des gens pendant une pièce de théâtre, quoi. Et donc, j'ai déjà dit un peu comment, à la Quincaillerie, il se passait tout autre chose qui permettait de répondre à ça et de dépasser un peu cette espèce de rapport au public, à la neutralité du public, à l'extériorité du public. Et je sais pas, pour les gens qui sont déjà venus au Quincaillerie en juillet pendant le festival, on voit très bien, en tout cas moi c'est ça que je trouve un peu puissant dans ces moments-là, c'est comment il y a tout un commun qui se crée et comment il y a une espèce de permutation entre les gens qui vont faire des concerts, qui vont faire du théâtre, qui vont faire à bouffer, qui vont discuter ensemble, etc. Et que c'est un des exemples de comment on dépasse et comment les frontières du théâtre et de l'art, elles se travaillent, quoi. C'est cette espèce de moments un peu fous où pendant 10 jours, tout le monde se met à vivre ensemble et il y a une indistinction entre les différents rôles, quoi. Voilà. Et du coup, c'est un peu ça, une des réponses possibles à comment, qu'est-ce que c'est le dépassement du théâtre comme un truc un peu fermé et comment le théâtre va se lier à la vie, à la politique et à tout le reste. Ça se manifeste au Quincaillerie en juillet, ça se manifeste aux Lentières d'autres manières, etc. Dans des moments un peu longs, il faut avoir du temps, il faut construire des lieux pour ça, etc. Et voilà, et pour faire ma conclusion, je vais faire une petite pirouette rhétorique. Je dirais que donc ça, c'est des moments qui demandent plusieurs jours. Mais il y a aussi la possibilité de dépasser le fossé entre le théâtre et le réel dans des événements. Et donc, qu'est-ce que c'est le point d'indistinction ? Qu'est-ce que ce serait le point d'indistinction entre le public et le théâtre dans un événement ? Je dirais que c'est le carnaval. Donc, le carnaval comme point d'indistinction entre public et théâtre, comme entremêlement du théâtre et du réel. Je développe pas parce que c'est juste une petite pirouette rhétorique pour formuler une invitation en public, histoire que ça pèse un peu. Donc voilà, je lance un appel, un défi ou une invitation à ce qu'on se réunisse. Donc les gens, je précise que je le fais en mon nom propre, hein, que ça n'engage absolument personne d'autre que moi. Donc voilà, j'invite La Parole Errante, la radio Nieu, les gens de Dijon, etc., à ce que pendant l'année 2019, en parallèle du prochain spectacle des Endimanchés, on fasse un carnaval suprématiste. Donc je ne sais pas si ça sera à Montreuil ou à Dijon. Donc carnaval suprématiste, parce que suprématiste, ça renvoie à Malevitch, une espèce de personnage de l'art abstrait qui va figurer d'une manière ou d'une autre dans Volia Panique. Donc voilà, un carnaval suprématiste qui serait un peu la manifestation éclatante, je ne sais pas quelle forme ça prendrait, mais de ces alliances bizarroïdes qui se trament entre plein de lieux d'autonomie, entre plein de formes d'autonomie, dans le théâtre, dans des luttes, etc. quoi. Voilà, c'est une invitation formelle, publique, qui n'engage que moi pour l'instant. Beise. Merci, désolé si Radio Nger. Tu sabotes. Ouais. Baise, mon piamlenam. Déjà, est-ce qu'il faut qu'on donne une note à notre collègue et que moi je voudrais juste dire que. En tout cas, si tu sais pas quoi faire avec 200 spectateurs que t'emmènes dehors après un spectacle sur Dada, c'est quand même un gros problème. Mais t'aurais pu les inviter en 2019 à Carnaval. Non, plus sérieusement, je sais pas trop comment on poursuit ce moment. Peut-être que quelqu'un de qui veut peut un peu continuer ce qu'a posé Sam. Pourquoi caméra sans répit, méfies-tu du bout de ton poteau? Pourquoi me flics-tu? Y a des flics après... qui tuent, pourquoi ne le vois-tu nous? Après, je sais pas comment me transformer en question pour pas fermer la chose. Ça marche? J'aurais presque envie... Bah, en vrai, moi, j'aurais presque envie, quand je t'entends, Sam, c'est de faire presque une défense du spectateur, bêtement. Enfin, dans le sens... Enfin, moi, je crois pas à la neutralité du spectateur ou à des choses comme ça. Même en général, toutes les mêmes histoires de fausses vies et de vrais ou de faux moments, je sais pas comment dire. Il me semble... Enfin, le réel, il n'y a que du réel, quoi. Enfin, et qu'il n'y a pas de partition entre le réel et théâtre, même entre le réel et le salariat, hein, de la même manière. Il n'y a pas de fausse activité dans le salariat, sinon ça ne marcherait pas. Il y a des choses qui mettent en forme du réel. Et comment dire ? Et j'ai l'impression que des fois, on se plante beaucoup dans ces séparations-là et que, par exemple, quand on veut trop marquer comme si... Comment dire ? Bah, pour moi, ce qui est intéressant dans le théâtre, dans le cinéma ou dans les activités comme ça, c'est justement cette partition entre le plateau et le spectateur et que c'est ça qui fait l'autonomie du théâtre. C'est ça qui fait son intérêt, en fait. Enfin, dans une société, enfin, justement, pendant 2 heures, tu peux regarder et écouter un truc sur Dada et sans être interrompu. Et je pense que c'est ça qui fait la force. Moi, justement, j'ai envie de demander à Alexis ou à tous ceux qui ont posé cette pièce... un moment, il y a un moment d'interruption dans le spectacle qui est un peu organisé, enfin, je ne sais pas comment dire. Et qu'est-ce que c'est que ce désir d'interruption, justement ? Pour revenir, pour reformuler un peu ce que disait Sam, pour moi, effectivement, l'intérêt de ce que tu travailles à la quincaillerie ou ce qui est travaillé ici à la parole errante, c'est justement d'essayer de faire le pont entre des mondes différents. Enfin, il n'y a qu'un réel, mais il y a des mondes différents, il y a les moments... Il y a le moment du théâtre, il y a le moment de la politique, etc. Et travailler à faire des liens entre ces différents-là, ça me semble très, très, très important. Et en même temps, effectivement, je comprends qu'un producteur culturel, enfin, je ne dis pas méchamment, même moi, on a envie d'avoir des retours sur son spectacle. Mais en même temps, en tant que spectateur, ce que je fais d'un spectacle, ça ne concerne personne. Et que je comprends que le producteur a envie d'un retour, mais... De fait, par définition presque, c'est encore plus valable dans le cinéma, on n'a jamais des retours, on ne sait pas quel effet a un truc culturel sur quelqu'un. Et ce n'est pas grave, en fait. Je pense qu'il faut plutôt l'assumer. Et voilà. Donc je commence à être un peu confus. Et donc, oui, voilà, je veux bien que vous précisiez un petit peu ce que vous recherchez quand vous parlez d'interruption ou de choses comme ça. Je peux essayer d'en dire 2 mots. Je crois que ça s'origine de différentes manières. Enfin, il y a un désir qui est pluriel, qui d'une part s'origine. Enfin, je dirais que ce qui préside à cette nécessité de penser quelque chose de l'ordre d'une interruption ou d'une protestation, en fait, c'est-à-dire quelque chose qui viendrait s'opposer, en fait. Ça vient d'une part d'une pensée un peu plus ou moins consciente à l'époque de la création du spectacle Cabaret Voltaire, du fait qu'il n'y a pas d'acte ou de geste dadaïste au fond sans protestation donc même si cette chose-là était assez peu consciente ou plus ou moins consciente, mais qu'elle n'était pas pensée à l'intérieur même de la forme théâtrale d'un premier spectacle qui s'appelait Cabaret Voltaire. Enfin, je ne reviendrai pas dessus parce qu'on a déjà beaucoup parlé de ça ces derniers jours. Cabaret Voltaire, qui était un spectacle qu'on a créé... qui était le premier, au fond, le premier geste de la compagnie, eh bien, même si cette nécessité d'une protestation n'était pas consciente, on se l'est pris en pleine face, puisque Marc Dachy, qui était un spécialiste un peu du mouvement Dada, qui a consacré vraiment toute sa vie à une sorte d'exégèse, enfin d'étude comme ça et d'analyse de Dada et des dadaïsmes, c'est-à-dire de la pluralité au fond des mondes et des expériences ouvertes par le mouvement Dada, eh bien, ce type, Marc Dachy, qui faisait déjà autorité à l'époque, en 93, comme ça, avait décidé que le spectacle qu'on avait créé, alors qu'il n'en avait vu que quelques bouts d'images, en fait, sans doute avait... sans doute y avait-il eu un échange entre nous au sujet du... Mais très peu de choses. Et pour moi, c'était le premier geste, donc un premier spectacle que je portais sur la scène, ce qui n'est pas évident, et j'en menais pas large auprès de ce type qui avait décidé que ce qu'on avait fait de Dada était tout à fait honorable et méritait d'être soutenu, y compris par un spécialiste comme lui de Dada, mais qui non seulement était spécialiste de Dada, mais qui se voulait dans la vie en mesure de continuer à sa manière un peu ce qui la dimension de critique sociale, de protestation, etc., qui était celle de Dada à son origine. Donc, il avait à la fois d'abord considéré qu'il était dans une forme d'adhésion avec le spectacle, et puis ensuite il a vu le spectacle et il a protesté à la fin de la pièce et il s'est levé à la fin, après avoir on en est quasiment sûr, dormi une bonne partie de la pièce. Il s'est levé et on terminait la pièce sur les poèmes d'Hugo Ball, phonétiques, qu'on représente à nouveau ici, mais différemment. Et il s'est levé en disant « Dada, ça n'était pas ça, c'était la poésie abstraite d'Hugo Ball dans sa pureté ». Évidemment, ça a fait une espèce de... Ça a jeté un froid terrible. C'était au Centre culturel suisse, qui est une petite salle. Et puis, il s'est barré, quoi. Donc, tout le monde était un peu là. Oh, mince, Marc Dachy, alors, mais est-ce que ça lui a plu ou non? Ensuite, il s'est expliqué de ce geste dans un courrier et qu'il y avait à la fois une nécessité pour lui, des choses auxquelles il avait pu... Bon, en tout cas, je sentais comme ça, si je me remémore, parce qu'on n'a même pas sorti ce courrier, au fond, mais en tout cas, il y avait comme ça, oui... Je l'interprète moi comme une nécessité de s'opposer à quelque chose qui revenait sur Dada et qui de toute façon est nécessairement insuffisant. Enfin là on touche quand même un truc, donc la dimension à la fois historiographique, elle est un aspect, mais est-ce que c'est un geste Dada? Sans doute pas, enfin ça ne peut pas l'être, enfin ça ne peut pas l'être dans sa force d'irruption justement, parce que le geste dadaïste, il est censé quand même, le dadaïste est autant intéressé par l'irruption d'un geste artistique que par le fait que par la mort, quoi, par le fait qu'on se reçoive un pot de fleurs dans la rue, et que ça c'est Dada aussi. Enfin, pour reprendre un peu des exemples rapides comme ça, mais en tout cas, bon, il y avait cette insuffisance, et donc, alors, est-ce que c'était une bonne idée ou non, ou légitime, ou censé que de faire ça? Ensuite, on a toujours repris cette réplique de Dachy et comme quelque chose qui venait interrompre le spectacle. C'était à la fois lui rendre hommage en même temps. Donc, ça devenait aussi une espèce de récupération bizarroïde. Et là, on voit bien la fonction que pourrait avoir cette chose-là. Pour moi, elle est d'ouvrir une brèche. Mais on voit bien que c'est les limites de ça. Et moi, je suis tout à fait... d'accord pour entendre les limites, parce qu'on a bien vu, et avec toutes les tentatives qui ont été les nôtres, je crois qu'il n'y a pas eu une seule représentation sans que cette brèche s'ouvre. Et par exemple, dimanche après-midi, il y a eu à la fois cette protestation qui a été faite par Olga, qui est ici, de manière très convaincante. En plus, je pense que pour certaines personnes du public, il y a toujours quand même un doute un peu quant à la véracité ou quant à l'effet de simulacre. Après, on pourrait parler de cette chose-là qui est quelque chose qui relève du simulacre. Eh bien, ça a été suivi par une autre interruption de Macario, qui lui aussi est un copain et qui a protesté parce qu'il m'avait dit « Ah, je dois partir en avance, je suis emmerdé, mais je dois... » Mais lui, tant mieux, quoi, tu vas partir. Et donc, on a à nouveau fomenté quelque chose ensemble, de la même manière qu'on a fomenté cette interruption à Dijon par toute une bande de copains. Voilà, donc dans mon esprit, c'était à la fois, donc ça se rattache, c'est les causes et la fonction qu'on pourrait attribuer à ce moment, ou à l'idée de continuer à poursuivre c'est sans doute. Et je pense qu'hier, dans une certaine mesure, alors c'est toujours des amorces, mais ça a eu un début d'effet un peu négatif, un peu néfaste quant à la possibilité de poursuivre cette expérience et cet échange, justement, parce qu'il se trouve que le spectacle était absolument, on l'a un peu tous partagé, assez désastreux hier. enfin, c'est notre point de vue, en tout cas, même si la structure est la même, même si on voit bien par où ça passe, etc., et quelles sont les ficelles, les intensités, les intentions. Mais néanmoins, il y avait quelque chose qui était assez dérythmé, qui était problématique, qui se cassait la gueule, difficulté partagée, commune, ce qui n'est pas toujours le cas, à reprendre un peu les énergies, à trouver la manière d'être ensemble et de fabriquer et de continuer ce geste. Et du fait de l'intervention qui hier était faite par Valérie et Dominique quand ils sont partis, je crois que ça a libéré un peu ça a libéré la possibilité, alors là non pas d'adhérer ou de se dire mais non, mais enfin qu'est-ce que c'est, des gens sont en train de protester, donc ça a un effet, ça peut avoir un effet double, c'est-à-dire de renforcer l'adhésion, dire, mais qu'est-ce que c'est que ces abrutis qui s'en vont là avec leurs chiens en plus à deux en faisant un esclandre ou alors au contraire de libérer quelque chose en disant mais bien sûr, nous, on est coincés dans notre siège, 2 heures. Enfin, le théâtre, c'est quand même... Il y a aussi cette... Évidemment, on peut jouir d'un geste d'un geste théâtral, mais on peut aussi le subir, quoi. Et je pense que là, voilà, moi, il y a toujours ça qui est interrogé, quand même. Le fait que on est potentiellement aussi en face d'une forme qui est figée, et comment on trouve les possibilités, comment on propose de l'intérieur même de la forme les possibilités d'y échapper, d'en sortir, de revenir. Donc voilà, mais je pense que moi j'aurais pas grand chose à rajouter à ce que disait Sam, mais que en effet j'avais préparé un petit truc, mais que j'ai l'impression que notre travail il est dans une tentative de dissipation des frontières, et je me demandais justement qu'est-ce qui relevait du subterfuge ou du simulacre à l'intérieur de ce moment séparé, au fond, quel moment du théâtre ? Parce que c'est quand même... Alors, voilà, mais en même temps, j'entends ta réflexion, quoi, que c'est quand même un moment séparé, et souvent, on voit bien la difficulté à ce qu'il est vraiment une forme de porosité avec le réel, avec les entours. Et ce qui est travaillé ici, c'était précisément cette... Mais j'ai l'impression que c'est plutôt dans une dimension temporelle ici que ça s'est joué, et que c'est plutôt dans la fabrication... Enfin, voilà, pour aller au bout de l'idée, c'est qu'est-ce qui relève du simulacre, ou qu'est-ce qui relève de la possibilité d'une, non pas d'une irruption du réel, mais d'une fréquentation du réel. C'est-à-dire que je me disais ça ce matin, et que en effet... qu'est-ce qui serait à même de déplacer un peu ce qui fait la surface d'inscription qu'est ce théâtre, quoi. Et au fond, j'ai l'impression que, hormis le fait que, enfin, le théâtre, la représentation en elle-même, elle déplace pas grand-chose, hormis la perception diffuse des individus séparés comme ça, qui est dans leur capacité finalement à se frayer à chacun un chemin propre, comme tu le disais. Mais que ce qui se cherche, c'est à déplacer plutôt nos modes d'agir dans la transversalité des champs qui nous préoccupent, et donc de renforcer des c'est plutôt la possibilité de renforcer des effets d'incidence entre la perméabilité, entre les modalités de la création, les modalités de l'accueil, le moment du politique, le moment de la création, etc. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui se cherche, et qu'ici, c'est plutôt dans le temps de l'anticipation, dans ce qu'on a projeté en commun, que quelque chose s'est joué et est venu travailler un peu les entours et nos possibilités de nous rencontrer, au fond. Et que, alors, la représentation en elle-même, elle se trouve reléguée comme une forme d'outil, mais d'outil un peu, quand même, un peu séparé du reste, mais qui, en effet, permet cette circularité autour, cette perméabilité entre les lieux qui sont les nôtres, entre nos préoccupations, etc. Bah, c'est pour revenir un petit peu aussi aux histoires de réception individuelle, où ça, certes, enfin c'est sûr, on peut avoir confiance en la réception de chacun pour se faire sa propre idée, sa propre histoire sur ce qu'il voit, sent et tout ça. Après, pour le coup, par rapport au lieu et aux représentations de modules d'ADA à la parole errante, ça joue aussi avec le lieu, et ça a permis, je pense, des choses un peu plus... je sais pas, ça permet que... Alors, je sais pas, là, le plateau, il est à plat. On était très proche de vous quand vous jouez. Enfin, voilà, ça, c'est un peu marrant et pas très commun, en tout cas, par exemple, pour moi. Le fait que l'entrée soit à prix libre, les gens, ils peuvent revenir plusieurs fois voir le spectacle. Que comme les entrées et les sorties, on ferme pas au début de la séance, enfin du spectacle, et que pour ceux qui sont pas encastrés dans les gradins, ça fait qu'il y a une possibilité d'être autour et que par exemple dans les moments de quand il y a de la musique et tout ça, ça permet même de danser quoi, ce qui est pas trop possible dans une autre configuration. Et puis que après, ce que je pense par rapport là pour revenir un peu au spectacle et à sa forme. Après, c'est travailler aussi très certainement, enfin même c'est sûr par d'autres, mais avec les différents niveaux et de contenu, de musique, de mouvement, et ça permet aussi des réceptions un peu à différents niveaux et qui peuvent faire que, je sais pas, il y a un copain qui disait, moi je croyais pas du tout qu'il allait dire ça, mais oh là là, ça bouge, c'est la vie, ça me plaît beaucoup. Que hier, il y avait une jeune femme qui parlait calmement. Et qu'elle aussi, pareil, elle a une sorte de réception autre du spectacle, enfin qui est plutôt chouette. Et on va dire pour les histoires de se ressaisir un peu collectivement, il y a eu pas mal de moments et de discussions, et même ce moment-là, de commun, et qu'il y avait les repas aussi le soir, le bar, et que pour le coup, c'est un petit peu différent de certains théâtres, je sais pas, par exemple Gennevilliers ou je sais pas autre, où il y a des histoires un peu comme le prix du vin, le prix du repas, qui fait que c'est accessible à un plus grand nombre de gens, que de fait aussi il y a un peu les habitués de la parole errante, qui viennent de voir ce qui se passe et qui ne sont pas forcément habitués à aller dans d'autres endroits. Là, c'était juste pour raconter un petit peu peut-être ce qu'a pu un peu le lieu pour Module Dada et inversement Module Dada aussi pour le lieu. Et puis cette présence-là de 3 semaines ensemble, ça fabrique des choses et ça permet à plein de gens qui passent par là de s'inscrire dans des réflexions ou de faire la cuisine ensemble et d'écouter la radio pendant ce temps. Je voulais juste dire ça. Non, je suis dans le même sens, je pense, de comment on est aussi cette ouverture-là. Elle a permis à des... Quand je dis ouverture, je veux dire le fait que... En fait, là, ça fait pas mal de jours où... De 14h à minuit, pratiquement, le lieu est ouvert, en fait. Et surtout, plus qu'ouvert, c'est qu'il est traversé par des gens. Et donc, ça a permis, par exemple... Pour nous, par exemple, de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés. Et là, je parle de voisins, de gens qui sont venus ici. Et où, à un moment donné, cette ouverture, en fait, où il n'y a pas justement nécessité à aller à une AG, aller voir un spectacle ou je ne sais pas quoi. En fait, que juste les portes sont ouvertes et qu'en fait, des gens qui viendraient d'habitude dans le jardin, la rentrent. Ou... Alors après, joyeusement ou pas, selon quelle heure il est de la journée ou de la nuit. Mais qu'en tout cas, j'ai l'impression que ça me donne vraiment envie à des moments... justement de repenser des moments comme ça. Après, on n'a pas du tout là l'énergie collective, par exemple, pour faire des sortes de ce qu'on pourrait appeler permanence, mais qui ne serait pas forcément le ça. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait des moments ouverts où ce lieu n'est pas un lieu, j'allais dire culturel, en tout cas où il ne se passe pas quelque chose de culturel dans le lieu, mais simplement que les gens fabriquent des choses ou simplement ouvrent le bar ou font du café. Je trouve que ça permet un peu ces rencontres-là qu'on a du mal un peu à avoir dans nos réunions de 5 heures tous les lundis. Et que par ailleurs, je pense que c'est possible justement pas parce qu'il n'y a qu'un bar, mais parce qu'on fabriquait des choses ensemble pendant toutes ces journées-là. Et que de fait, c'était possible, j'ai l'impression. Alors après, il y a des gens qui pourraient me contredire là s'ils nous ont trouvé complètement fous, mais que j'ai l'impression que c'était possible de s'inscrire aussi dans un truc de fabrication et pas juste d'arriver et de devoir choisir son petit groupe pour boire du vin, même si ça c'était possible aussi. Et pareil, je trouve sur les moments de soirée ou le fait qu'il y ait la cabane et qu'en fait on poursuive des formes de construction ou déconstruction, peu importe, ça fait aussi que des gens sont passés et ont réussi à s'inscrire à ce moment-là parce que c'était plus simple pour eux et puis à revenir le lendemain, faire des choses avec nous la journée et que ça ouvre, que des gens auxquels on n'aurait pas du tout pensé sont venus voir la pièce et se sont assis ou pas pendant 2h30. Et qu'en tout cas, enfin moi, je suis hyper contente de que en plus de rencontres là entre ces 4 lieux, Là, les gens des Lentillères sont pas là, mais on ment pas. Ils étaient vraiment là encore hier matin. Voilà, ils viennent de nous téléphoner. Et ben, il y a aussi eu des rencontres avec d'autres gens, quoi. Et du coup, peut-être d'autres lieux qu'on connaît pas encore et des gens qui nous ont pas parlé de leur lieu ou de ce qu'ils font, mais et que, en tout cas, on a besoin du coup d'espace ou de lieux pour faire que ça arrive, parce que sinon, ça n'arriverait pas. Bon, moi j'ai une proposition qui n'engage que moi, à savoir que le carnaval suprématiste, qui n'engage bien sûr que Sam, rejoigne le carnaval de la plaine et occupe la place et mette la Soleam à la mer. À part Kakamara, ça va pas ma patada, da da patada, Kamala Kataya, da la Kakata, Kana la patana, patana, nana panaga. Attends une seconde, là. Il est sur on. Ah. Ça marche pas non. Si, ça y est. Bon. Donc, non, c'est pour revenir sur. Je sais, je vais pas me perdre, mais bon, j'y vais, je me lance. C'est pour revenir sur la notion de réel. Dans l'irruption du réel, enfin, voilà. En fait, moi, je ne sais pas trop ce que c'est le réel, et je ne sais pas si ça existe. Et bon, il me semble que là, dans l'exposé, le réel, c'était, bon, par exemple, le moment politique, l'insurrection, enfin, je crois que si j'ai bien compris, il y avait quand même un peu ça. Bon, mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas toujours un public à ça aussi? Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que ce n'est pas une mise en scène aussi? Est-ce qu'il n'y a pas du théâtre, en fait, en permanence dans le moment politique, enfin, en tout cas, il y a toujours du public, y compris voilà, dans le cortège de tête, enfin, partout autour, etc. Il y a des publics, il y a des mises en scène de tout ça. Il y a celle de la police, il y a celle de BFM TV, il y en a plein. En fait, la question, oui, il manque toujours de la politique dans le théâtre, mais est-ce qu'il ne manque pas toujours du théâtre dans la politique aussi? Et voilà. Bon, je pense que c'est assez clair, en fait. D'où la nécessité du carnaval suprématiste à la plaine. Pour reprendre. Il y a une étymologie du mot théâtre. Une étymologie du mot théâtre, c'est le point de vue d'où l'on se place, d'où l'on regarde, je veux dire. Celui-là aussi marche. Moi, je voulais revenir sur cette notion d'irruption du réel. Je joue dans le spectacle, donc j'ai beaucoup aimé, par exemple, hier, effectivement, l'intervention de Valérie et Dominique qui se barrent comme ça. Et je me disais, mais il faut enterrer le spectacle, il faut enterrer Module Dada, quoi, vraiment, le foutre aux ordures. Voilà. Et que après, ben, c'est à nous de nous démerder, si tu veux. Mais il faudrait vraiment stopper complètement le spectacle et savoir que nous, ce que ça vaut, ce qu'on est en train de faire. Hein, après, parce qu'après, on continue ou pas. Après, on se démerde. Hein, voilà. Et donc, il y a eu d'autres interruptions, effectivement, tout le long de ces représentations qui ont été faites. Il y a eu une fin de spectacle où les gens étaient debout avec une bière à la main. Ah, et là, ce qui était assez beau, c'est que c'était le théâtre qui révélait le lieu, en fait. Et les gens se rendaient compte qu'ils étaient dans un lieu, particulier, avec un accueil particulier, qui accueillait ce spectacle-là. Et il y avait cette conscience-là, c'est-à-dire que le théâtre révélait l'existence du lieu et l'existence de la parole errante et de sa manière de faire et d'accueillir. Et ça, je pense que c'est une des fonctions qui me paraît essentielle aujourd'hui pour le théâtre. On pourrait imaginer qu'ici viennent des grands noms du théâtre, comme Miller Raoult. Enfin, voilà, il faut lancer des invitations sur des gens qui ont envie de sortir, parce que plus personne n'a envie d'être coincé dans l'institution culturelle telle qu'elle existe actuellement et qui ne permet plus, effectivement, de déborder le théâtre pour rentrer dans le réel d'un moment. Partager. Je peux juste réagir très très rapidement à ce que tu viens de dire là, Barnabé, c'est que c'est moi ce qui me gêne là-dedans, c'est que j'ai l'impression, enfin je comprends ce que vous racontez, mais moi j'ai pas envie de me mettre à la place de quelqu'un qui fabriquerait, moi j'étais spectateur on va dire, ou j'ai regardé quoi. Et un des enjeux, il me semble là, je pourrais dire collectivement d'accueillir un travail de ce type-là, c'est aussi dans un lieu comme celui-là qui effectivement n'est pas un théâtre. Notre question à nous, c'est plutôt, la question qui m'intéresse, c'est de savoir comment aujourd'hui on peut retrouver un rapport vivant, fort, actif avec le résultat d'un travail. Parce que ce qui me gêne un peu, c'est des fois la complaisance qu'on pourrait avoir. À dire, mais en fait, on s'en fout, ce travail que vous avez mis pourtant beaucoup de temps à fabriquer, c'est pas si important, etc. Bah, moi, je pense exactement le contraire. Sinon, je comprendrais pas pourquoi on perdrait 5 minutes. Enfin, d'ailleurs, c'est pas 5 minutes, c'est beaucoup de travail d'accueillir aussi des. Et que moi, une des fonctions d'un lieu comme celui-là aussi, c'est de pouvoir recréer collectivement de la confiance. Envers ce type d'œuvre, pour employer un gros mot. Si on croit, après, on fait tous plein d'autres choses. Hein. Moi, ces 15 dernières années, j'ai plus passé de temps à aller dans la rue, dans des manifs, à animer des permanences de chômeurs et précaires avec mes camarades que d'aller au théâtre. Mais pour autant, je crois que je comprends ce que vous racontez, mais il faut faire attention aussi, parce que moi, je ne suis pas d'accord. C'est important de voir encore... Enfin, je crois, de voir des films. Là, par contre, la question, et c'est là où ça rejoint la question des lieux, c'est où est-ce qu'on regarde les choses. Je me souviens, moi, je ne participais pas au groupe Boris Barnett à la coordination des intermittents précaires, mais je l'ai traversé, des camarades qui s'occupaient de cinéma dans un lieu de lutte. Et je me souviens de cette question. Ce que j'ai appris dans cette expérience-là, c'était de savoir qu'il y a une chose qui compte, c'est depuis où on regarde les choses. C'est-à-dire de voir un film dans la rue, ici ou au cinéma Méliès, ce n'est pas la même chose. Et ça ne veut pas dire qu'il y a un espace qui est plus merdique que l'autre. Mais ça, c'est des enjeux politiques aussi. Et il ne faut pas les... Et pour finir, c'est que... en lien avec ces histoires de lieux, et moi, je suis assez... Parce que je trouve que vous êtes un peu dur avec Sam, qui a aussi critiqué beaucoup le point de vue qui a été critiqué sur l'histoire de l'irruption et de... Il a lui-même critiqué le premier texte qu'il avait publié là dans l'Intimatin. Mais derrière la question des lieux et disons au regard du rapport à des œuvres formelles, sensibles, esthétiques, pour moi, il y a un des enjeux aujourd'hui, c'est la question de recréer des espaces de ce que j'appellerais des espaces de plein pied, c'est-à-dire où effectivement des choses de nature extrêmement diverses se côtoient pour qu'on puisse rouvrir une scène égalitaire où on puisse parler de plein pied. Des choses avec lesquelles on est en rapport. Et c'est-à-dire comment on fait, parce que ça, c'est pas possible nulle part, que quelqu'un qui ne va jamais au théâtre puisse venir voir une pièce et faire une vraie expérience, et que ça résonne avec les autres segments de sa vie quotidienne, de son existence. Ça, c'est un peu... Voilà. Bon, bref, je suis trop long, pardon. Je vais bien répondre, mais en deux secondes. Enfin, j'ai pas l'impression du tout qu'on soit dans une... logique de dénigrement ou qu'on minimise, tu vois, au contraire, la présence ici. Mais c'est plutôt, il s'agit d'interroger les limites, je pense. Les limites, et ce que dit Barnabé, c'est jusqu'à quel point on peut interroger les limites de cette représentation et, tu vois, et dire l'abandonner pour révéler. Et en même temps, ce qu'il dit, pour moi, ça a une fonction, ça révèle toute la potentialité qu'a ce théâtre-ci de révéler le lieu en tant que tel avec ses entours. Tu vois, moi, je l'ai vécu, et notamment pour vivre la pièce aussi dans la lisière, en fait, de la représentation, à la lisière de la représentation. Je vois bien à quel point ça fourmille, etc., comme nulle part ailleurs. Et ça, c'est infiniment précieux. Enfin, et donc, j'ai l'impression que c'est vraiment... la représentation ici est un outil pour... pour travailler ces bordures, pour travailler les lisières, pour et une perméabilité entre le dedans et le dehors de la représentation, mais le dedans et le dehors en général aussi. Donc je pense que ouais, au contraire, c'est voilà. Bon, mais je répète un peu les mêmes trucs. Bây giờ, 105.8 Radio Nghe. Bây giờ, 105.8 Radio Nghe. Allô, ça suffit. Allô. Allô, est-ce que vous me recevez? Alors, voilà, là je me trouve actuellement à Bruxelles et je vais vous raconter l'histoire de la médiathèque UE qui s'écrit NGH. Ici, écoute, en vietnamien. On ne sait pas très bien pourquoi on l'appelait comme ça. On ne sait pas très bien, non. On voulait que ça parle de l'écoute. On voulait qu'on s'exprime, qu'on écoute des êtres. Et alors, ce qui se passait en fait, c'est que on était dans un bâtiment. Voilà, c'était un bâtiment où on organisait des grandes fêtes, des concerts. Parfois, tout ne se passait pas comme prévu. Et certains concerts, on se rendait compte que en fait, il y avait un peu d'un décalage entre les concerts qu'on organisait et le quartier dans lequel on était. Parce que à Volenbeek, là où se trouve la médiathèque UE, il y a une petite place en bas avec des jeunes qui squattent la place, qui chillent, qui filment. Et les concerts un peu punk, moi je sais pas quoi là qu'on organisait. Ouais, ça faisait pas pourtant l'unanimité dans le quartier. Et ça terminait parfois en bagarre, où je me souviens plutôt on nous a une brique qui on n'était pas d'accord avec cette attitude, ça, la musique, le concept avait des grosses notes. On a réfléchi à ça, on a fait un dialogue en groupe avec ces gens. Quoi. On a essayé de. On a rencontré des assos. Les assos du quartier qui participaient à organiser des événements sur la place, par exemple. Et ça aussi, on a participé à ça avec notre connaissance de la musique. On a organisé des concerts, puis on diffusait des musiques. Mais même ça, vous voyez qu'il y avait des choses à faire pour qu'on se dialogue ensemble, quoi, là où on est. Quoi, parce que, là, on est descendu, on a changé un peu le projet. Il ne s'agissait plus de faire des grosses choses, mais plus de créer un espace de rencontre entre les gens autour de la musique. On a commencé à faire une collection de disques. Et le disque vit de cassette. Et alors, on est descendu du premier étage au rez-de-chaussée pour avoir une ouverture directe sur la piste. Et alors. Le projet est transformé, il a muté. C'est un projet mutant, quoi, qui mute, qui change en permanence. Un projet nébuleux. Et c'est ouvert sur la place. On a ouvert des portes, on a rencontré des gens, on a organisé des concerts. Voilà. On a essayé de participer. Ah, et donc c'est ça, c'est une plateforme. Allez. Donc on ouvre un samedi sur deux et les gens peuvent venir manger des gâteaux, on fait des rencontres. Il y a par exemple Mostafa, qui est un type du quartier qui vient de temps en temps pour animer notre radio expérimentale parce que forcément. Notre musique, on veut la diffuser, forcément, nous, on croit qu'on va faire la révolution avec la musique, on en est persuadé. Et alors, faut la diffuser, quoi. Et forcément, la radio, c'est idéal, quoi, pour diffuser la musique. C'est la manière de diffuser, quoi, même la radio. Rester connecté, quoi. Et connecté. On a participé à des émissions radio, on a commencé parfois sur Radio Campus à Bruxelles, on a été invité. On a bien aimé le truc, alors on s'est acheté un petit émetteur radio pour faire notre radio pirate expérimentale. Et voilà, c'est aussi comme ça qu'on crée, on espère instaurer un dialogue avec les gens du quartier qui nous entourent. En tout cas, l'idée, c'est de rester attentif à ce qui nous entoure le monde. Ça ne bouge pas si ça marche, si ça ne marche pas. En tout cas, l'essentiel, c'est de croire et de tester. De tester des trucs pour faire des expériences. Donc, si on teste pas des expériences, on va voir dans quel endroit on fait toute la musique. qu'est-ce que c'est la musique acoustique, ah, là où on est, quoi. Donc on continue à organiser les concerts, mais ailleurs. Ici, l'espace est plus petit. Des moments, c'est une cabane, un refuge. La rencontre est... Voilà. Hey maman. Voilà. C'est une vision que d'avoir qu'on a rencontré. C'était aussi de chercher un lieu pour organiser des villas. C'est une ville de possession où on soigne par la transe. On joue la musique la nuit de 9h jusqu'à 10h du matin. C'est toujours un rituel bien précis. Et on leur a cherché des musiciens cet espace. Ils habitent le quartier, quoi. Ils cherchent une espace, enfin, ça va beaucoup leur apprêter, hein, quoi. Enfin, c'est fou. C'est fou. C'est là, voilà, mais c'est des choses comme ça qu'on essaie de mettre en place, hein, que plein de choses soient positives, quoi. Cet endroit, c'est un carrefour, quoi. Un peu n'importe où, comme par exemple cet été en Bourgogne, on était à la Quincaillerie, on a déballé là-bas les radios, quoi. Et puis c'est pareil, il fait faire un carrefour, l'endroit devient un carrefour. On était à l'entrée, quoi, puis les jours passaient. La radio, c'est génial, c'est un médium où tu sais que c'est ce que tu dis, quoi, ça va passer, quoi. Ça va voler, quoi. Et alors tout le monde est à fond, quoi, quand il s'agit de diffuser comme ça, rassemble tout le monde. Et la Quincaillerie, c'était super, cet endroit pour rencontrer des gens. Voilà, aussi, dialoguer. On faisait des super rencontres, dont notamment avec les forestiers. Voilà, et ça correspond vraiment à la fois savoir se perdre et dans des projets un peu différents, variés, puis qui aussi. Et puis en même temps, c'est, voilà, c'est pas croire à l'aventure. Donc voilà, croire à l'aventure. Peut-être des trucs, quoi. Pas compliqué, pas compliqué. Voilà, je suis à Bruxelles, je suis plus loin, là. Je vous embrasse et à bientôt. Au revoir. Thank you. Tiens, viens t'asseoir avec moi, Joachim, que ça, je suis pas toute seule. Alors, on teste l'endurance et les allers-retours possibles d'entrée et de sortie dans nos spectacles du réel. Dans cette pièce que moi j'avoue tous les jours ne pas encore avoir vue, il est beaucoup question de musique, et que là le fait que aussi la cabane prenne ce moment, c'était je sais pas si vous l'avez tous compris, mais une question centrale: pourquoi la musique, après pourquoi le théâtre, et comme on n'a pas, disons, théoriquement été hyper loin dans la parole sur la musique, moi très individuellement j'ai proposé un petit jeu à plusieurs camarades, c'est-à-dire de choisir un morceau de musique punk de l'époque qu'ils voulaient, et surtout du pays qu'ils voulaient. Il se trouve que là, une sorte de hasard qui n'est pas un hasard, qui fait juste qu'on est entouré de gens très différents, mais là en fait c'est quatre personnes qui parlent de quatre morceaux de musique punk de pays différents, et que du coup le jeu c'était qu'ils choisissent un morceau et que derrière ils écrivent un petit texte, ou qu'ils disent un petit texte, ou qu'ils improvisent, ou qu'ils racontent une histoire sur pourquoi ce morceau, ou à quoi ça leur fait penser, ou pourquoi à un moment donné ils ont écouté du punk dans leur vie. Du coup, je m'excuse un peu parce qu'on va pas mettre les morceaux en entier, on va mettre des extraits de morceaux, juste parce que je pense qu'on est tous un peu fatigués de ces trois semaines et que la radio n'est pas finie. Et du coup, là, il va y avoir quatre morceaux. Du coup, un morceau de punk turc, un morceau de punk allemand, un morceau de punk italien et un morceau de punk anglais, qui seront chacun suivis d'une petite intervention des gens qui les ont choisis. C'est parti, Benoît. Var mı? C'est mon ami Denis Gengir qui a écrit les paroles du morceau de Dolap Dere. Dolap Dere, c'est le nom d'un quartier d'Istanbul, très vivant, à vivre des gitans, des cures, des trans, des drogue dealers. On était jeunes, on allait à Dolap Dere acheter des marchés noirs, des vêtements occasions, des cigarettes, des cassettes, des drogues. Et quand on remontait de Dolap Dere à Taksim, on avait tout le temps peur d'être arrêté par les flics. Voilà, cette chanson racontait ça. C'est un copain de Denis, un punk de Bulgarie, à qui a proposé la musique. À l'origine, c'était un morceau Bulgarie punk qui s'appelle Tracteur. Parce que l'époque communiste, l'État donnait à tous les villages un tracteur, mais personne ne savait la conduire. Dans les années 70, en Turquie, C'est un moment de grand mouvement politique révolutionnaire. Il y a beaucoup de grèves, beaucoup d'occupations. Il y a plusieurs coups d'État qui viennent marquer en fait les années 60-70, en 60, en 71, puis en 80. Et entre en gros 1965 et 80, il y a beaucoup d'artistes, de musiciens qui créent des groupes, ce qu'on appelle un peu l'Anadolu pop, donc c'est la pop anatolienne. Il y a vraiment des dizaines et des dizaines d'artistes qui écrivent des morceaux, dont plusieurs en fait qui sont plusieurs fois arrêtés par la police, qui vont plusieurs fois en prison parce que leurs textes sont politisés, etc. Et du coup, c'est un moment aussi où dans l'histoire de la contre-culture en Turquie, qui va être très réprimée et où toute cette influence de la musique punk et hardcore, etc., va pas avoir beaucoup de place pour s'exprimer. Jusqu'à moitié des années 80 et jusqu'aux années 90, ça commence un tout petit peu à se débloquer. On trouve les cassettes de rock et de punk, etc., sous le manteau, chez le vendeur illégal d'alcool, tout vient en contrebande. Et en fait, il y a un truc aussi qui marche pas, enfin une place que le punk n'arrive pas à prendre en Turquie, c'est que le punk, il a un peu du mal à se politiser. D'abord parce que pour les gens qui sont politisés en Turquie, il est considéré comme lui aussi un symbole de la décadence occidentale, entre guillemets, par les mouvements révolutionnaires. Donc en 1987, 89, etc., on retrouve un peu des traces de groupes punk. En 87, le premier groupe punk turc s'appelle Headbangers. En 89, à Ankara, il y a pas mal de groupes de filles aussi qui se sont créés et qui ont splitté au bout d'un an ou deux, mais il y en a toujours qui se reforment, dont les Spinners, le groupe Tampon qui se crée à ce moment-là. Et en fait, il y a un espèce de décalage dans l'arrivée du punk dans la culture en Turquie, dû à cet après coup d'État en fait, qui est vraiment vécu comme un moment d'amnésie politique, etc. Et dans les années 90, il y a de part une répression du mouvement kurde très très forte. Il y a aussi au gouvernement Turgut Özal qui devient président de la Turquie et qui libéralise complètement sa politique. Donc il y a vraiment un néo-capitalisme en fait qui se met en place aussi. Et du coup, là, le punk trouve une place pour exprimer son opposition au capitalisme. Et c'est un peu plutôt dans les années 90 et fin des années 90 que... que les groupes de punk font leurs premières démos, font leurs premiers fanzines, etc. Je crois que le premier festival de punk, c'était à Ankara en 92. Je veux ajouter seulement un truc. En fait, le punk, c'est l'époque en 1990, on réunissait le rue, ça s'appelle Abdullah Sokak, et c'est une rue complètement occupée, avec de 300-400 personnes, et c'est grande popularité, il était punk au métal, un peu marginal, jeune, quoi. Et moi, mon expérience avec cette rue, j'arrivais en 1996 à Istanbul. Pour moi, c'était un top pour voir 500 personnes danser pogo, mais je crois que ça n'existait pas en Turquie. C'était un United States. Meinen Körper kaufen. Keine Gnade, keine Gnade, keine Gnade, keine Gnade. La chanson Keine Gnade de Isolier Band, c'est une chanson de 82 et que j'aime beaucoup qui, à cause du texte, que je vais essayer de traduire. C'est, du coup, c'est du punk allemand. Parce que j'aime beaucoup le punk allemand, parce que moi j'ai un peu grandi avec ça. Donne-moi du pain, donne-moi du jeu, donne-moi du pop-corn, je veux des pralinés. Je veux manger, manger, manger, je veux oublier mon corps entier. Donne-moi de l'eau, donne-moi du rhum, perturbe-moi et rends-moi con. Je veux boire, boire, boire, mon corps vous appartient. Pas de pitié, pas de pitié, pas de pitié. Je veux rire, je veux pleurer et alors m'unir avec vous. Vous pouvez m'aimer et me battre, je ne veux plus avoir de pitié. Donnez-moi de l'herbe et LSD, donnez-moi du cucur et de l'arzen. Je veux rêver, rêver, rêver, je vais rater tous les trains. Donne-moi, et là j'arrive pas à comprendre la parole, genre des, un truc de, avec les lumières qui bougent, donne-moi des lumières qui bougent. Je vais danser, danser, danser, vous pouvez, pas de pitié, pas de pitié, pas de pitié, pas de pitié. Donne-moi des jambes et des seins, donne-moi des bouches et des désirs, je veux aimer, aimer, aimer, je veux voler dans tous les abîmes. Donne-moi des bombes et des grenades, donne-moi, je veux assassiner, tuer et battre, je ne veux plus de pitié. Plus de pitié, plus de pitié, plus de pitié, plus de pitié. Ce que j'ai envie de raconter par rapport à ça, c'est que moi, avec 16 ans ou 15 ans, ou peut-être un peu plus tard, je ne sais plus, j'ai, comme tous les jeunes, j'essayais d'écouter des musiques. Il y avait tous mes potes qui partaient à des festivals, puis j'allais avec eux. Et il y avait des trucs, des trucs indie rock anglais, des trucs Louise Attaque, je sais pas quoi. Et moi, je comprenais pas le truc. Enfin, vraiment, j'allais à ces festivals, je me bourrais la gueule, j'allais pas voir les concerts parce que ça m'intéressait absolument pas. Et je comprenais pas le truc de la musique, ça m'intéressait pas. Je pensais que j'allais. Puis à un moment donné, j'ai rencontré des jeunes dans un parc qui traînaient toujours au centre-ville, dans un parc et qui se bourraient la gueule tous les jours. Donc c'est 2000-2002, 20 ans après que le punk est né, et le punk était d'une certaine manière toujours vivant. Et j'ai découvert ça, et ils m'ont emmené à... Nous faisons en expression ce que nous écoutons. Je vais danser, danser, j'ai envie de raconter. Et moi je comprenais pas le truc, enfin, vraiment j'allais à ces festivals, je me bourrais la gueule, j'allais pas voir les concerts parce que ça m'intéressait absolument pas, et je comprenais pas le truc de la musique, ça m'intéressait pas. Je pensais que j'allais... Puis à un moment donné, j'ai rencontré des jeunes dans un parc qui traînaient toujours au centre-ville, dans un parc et qui se bourraient la gueule tous les jours. Donc c'est 2000-2002, 20 ans après que le punk est né, et le punk était d'une certaine manière toujours vivant. Et j'ai découvert ça, et ils m'ont emmené à des concerts en Allemagne, dans des trains qui duraient 5, 6... heure, normalement des trajets que tu peux faire en une heure ou deux heures, mais comme à chaque fois on n'avait pas de ticket, on se faisait jeter, on devait attendre le prochain train, on remontait dans le train, et en fait tout ce truc devenait comme un... Enfin, ça accompagnait le concert, toutes ces histoires d'écouter du punk dans le train, se brûler la gueule pendant 6 heures avant d'arriver, et puis d'arriver sur place, et c'était à chaque fois dans des endroits foireux, et puis là je découvre les concerts punk qui existaient encore à cette époque en Allemagne, et c'était assez proche, assez fidèle à ses débuts en Allemagne. T'avais toute une scène un peu sophistiquée du punk et tout ça qui me parlait pas du tout, mais il restait une scène un peu brute, vraiment trop bien. Et du coup, je découvre ça et je passe une nuit entière à danser, à boire, à tomber, à... Et à comprendre tout à coup qu'est-ce que c'est la musique en fait. Et qu'est-ce qui permet ce partage, cette rencontre autour de la musique. Enfin, et surtout, mais tu peux peut-être le faire seul, mais là c'est vraiment aussi une histoire de groupe. de vraiment la rencontrer en groupe, en fait, et de se rencontrer autour d'elle. Et d'elle. Et voilà, quoi. Et du coup, ça, c'était pour moi le début de mon rapport à la musique et à ce qui me tient jusqu'à aujourd'hui, quoi, ce besoin de vie, enfin, dont je vous parle toujours et qui paraît complètement con. Mais... Alors c'est Sono Cattiva, qui veut dire je suis méchante, au féminin, du groupe punk italien qui s'appelle Candegina Gang, qui veut dire le gang de l'eau de Javel, quoi, c'est ça. En gros, c'est le gang des Javel. En fait, ce morceau, pour moi, il est trop bien. Alors c'est quatre meufs qui font du bruit. C'est un groupe qui est né dans un squat à Milan, c'est des Milanaises. Et je crois que le groupe, il est peut-être fin 70, quoi, 76, quoi. Et en gros, t'es à Milan. La scène punk en Italie, ça démarre à Bologne, Milan, Turin. Et dans les squats. C'est la scène underground, c'est une scène qui est encore un peu cachée, qui est mal vue par une grande partie de l'Italie. Parce que c'est aussi les années de l'Italo-disco. Donc c'est des moments où il y a l'Italie qui est encore un peu coincée aussi, dans des trucs formatés, catho. L'Italie, c'est vachement catho. Et en fait, ce morceau, pour moi, il est hyper fort et très simple. Hyper efficace. C'est quatre meufs, dans le clip, on le voit, qui chantent devant un panneau avec écrit « tampon gratos », des gratos, quoi. Voilà, enfin pour moi c'est une image hyper simple de ce qui pouvait se passer à cette époque-là. D'ailleurs c'est un des premiers groupes de punk de meufs. Et en fait c'est un morceau que j'ai mis dans une compile que j'aimerais bien sortir, un de ces quatre, qui est une compile de punk italien que je voulais faire après avoir discuté avec ma mère et m'être rendu compte que ma mère c'était une punk, mais qu'elle n'était pas punk du tout à l'époque en Italie. Elle n'était pas du tout avec les punks, elle traînait pas du tout dans ce milieu-là. Elle entendait parler des squats qu'il y avait à Milan, mais elle traînait pas du tout là-bas. Au contraire, elle était plutôt gentille, quoi. Elle sortait en boîte de nuit, elle dansait sur de la disco, et elle faisait à fond la fête, mais elle rentrait pas trop tard. Mais elle avait un caractère de punk sans se dire punk, quoi. Mais ça, je le dis avec mon point de vue actuel, quoi. Et du coup, je lui en ai parlé. Je lui ai demandé si elle se sentait punk. Et elle m'a dit, mais c'est quoi en fait punk, hein, je comprends pas. Je lui ai dit, bah voilà, je suis pas un punk, c'est ça, c'est une manière d'être, c'est cette musique-là, c'est que tu t'en fous, que tu défends des idées, que tu respectes pas les règles, que tu veux faire différemment, que tu veux faire contre, à l'inverse des choses peut-être qui te sont imposées. Et en fait, elle se retrouvait vachement dans ce que je racontais, quoi. Elle me disait, ouais, c'est vrai, en fait. Je suis peut-être punk, je m'en fous, en fait. Mais oui, moi, je m'en fous, Erika, je m'en fous. Et en fait, elle a ce comportement-là, un peu, quoi, de je m'en foutiste, quoi. Il n'y a qu'un truc qui compte dans sa vie, c'est d'aimer ses enfants. Et le reste, on s'en fout, quoi. Elle a un truc. Même larguée, quoi. Je trouve. Mais hyper touchante. Et donc, c'est à partir de ce truc-là que je me suis dit, je vais faire une compil punk en parlant de ma mère, qui est une punk, mais sans être punk. Mother Earth, crasse. Une chambre, la chambre de mon frère, assis par terre, la musique qui hurle, un grand dehors, de la famille, de l'école, même des potes, personne n'écoute ça dans le quartier. Une brûlure qui répond à celle de vivre. Depuis, courir après ça, même si les masques ont changé et changeront encore. Jusqu'à 17, 18 piges à écouter ça, en comprenant à peine la moitié des textes, alors qu'aujourd'hui encore, si je m'arrête, je me dis, c'est ça, c'est encore après ça que je cours. 20 ans après, je suis tombé sur ces 3 phrases de Penny Rimbaud qui balayaient toutes les conneries bullshit qu'on entend à longueur de temps débiter sur le punk, à tel point que ça fait honte d'entendre encore prononcer ce mot. Chut. Penny Rimbaud, donc. Notre amour de la vie est total, tout ce que nous faisons en est l'expression, tout ce que nous écrivons est une chanson d'amour. Cheval. La radio qui vous trotte dans la tête. Bon. Alors, c'était... Du coup, il y a eu une petite transition bourrine, là, pour... après ces expériences sensibles par rapport à chaque vécu du... par rapport au punk, qui était une manière, juste de se ressaisir un petit peu par rapport au punk et à la musique, et aussi la musique qui est très présente dans Module Dada. Et une autre façon de retraverser un petit peu ce que propose Module Dada, c'est de parler des femmes dans le dadaïsme. Et du coup, je passe la parole à Ito. Voilà, donc moi je vais parler, mais en tant que vraiment non spécialiste absolu de ces questions. Et ça me semblait assez. Enfin, on a fait un petit atelier radio qui a été diffusé en direct sur la question du photomontage et où on a présenté une artiste femme qui a été très importante dans le mouvement Dada. Et un peu pour dire aussi que cette question, elle était quand même pas mal en creux au début de nos réflexions sur Module Dada, parce que en fait, dans cette idée de module Dada, il y avait l'idée au début d'avoir comme plein d'entrées possibles pour rentrer dans cette histoire du dadaïsme. Et peut-être une des entrées qu'on a totalement évacuée, c'était cette question-là des femmes artistes. Et on les voit dans le spectacle, il n'y a quasiment aucune présence, quoi. Il y a Amy Hennings qui chante une chanson qu'elle a écrite. Mais voilà, et c'est assez intéressant en tout cas de se poser cette question de ce manque-là. Dans le mouvement Dada. Et parce que le mouvement Dada, même s'il y a eu ce moment d'émergence, en fait, il y a aussi eu beaucoup de textes qui ont été écrits sur beaucoup de revendications a posteriori, quoi. Après, où voilà, chacun revendiquait le mot de Dada. Raoul Haussmann, il se posait comme celui qui a été le premier à inventer le photomontage, etc. Et on voit qu'il y a souvent chez les dadaïstes, dans les périodes d'après, une espèce de volonté de dire voilà, j'en étais, j'ai créé ça, j'ai eu telle chose. Et ce qui est assez intéressant, c'est que chez les femmes qui étaient présentes dans le mouvement Dada, en fait, on n'a pas d'écrit, on n'a quasiment rien. Et c'est quand même quelque chose qui a soulevé, parce que contrairement à ce que dit Barnabé à un moment dans la pièce, il dit en passant, il n'y avait pas de femmes dans le cabaret Voltaire qui étaient trop enfumées. Et en fait, c'était. Il le dit avec ironie et on se demande. Enfin, moi, à chaque fois, j'arrive pas vraiment à rebondir, mais c'était toujours une phrase qui me faisait tiquer, parce que. Enfin, c'est pas vrai. Il y avait des femmes dans le mouvement Dada, il y avait des femmes au cabaret Voltaire. Et il y a juste cette question de l'héritage et de comment les choses nous parviennent, en fait. Et après, il y a plusieurs entrées que je vois par rapport à ça. C'est que déjà il y avait les danses, donc ça passait pas forcément par de l'écrit, mais c'était plutôt des manières d'entrer avec. Il y avait Sophie Teuber Harp qui faisait des performances dansées et qui. Enfin, je pense à ce même moment, il y avait aussi une danseuse qui est citée quand même pas mal dans le bouquin de bal La Fuite hors du temps, qui venait aux soirées Dada, qui est Marie Wigman et qui a inventé la Totentanz. La danse de la sorcière, et qui venait complètement. Enfin, c'était un moment où tout d'un coup, elle venait proposer une toute autre sensibilité, quoi, avec des rythmes un peu effrayants, un corps complètement tordu, etc. Et c'était des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. En danse. C'était punk en danse. Ouais, tu veux. Non. Ouais, c'était punk, ouais, vraiment. Punk dansé. Ouais. Et de sortir aussi d'une vision trop lissée en fait de la femme, quoi, et d'expérimenter vraiment avec son corps des torsions, des distorsions, de reprendre cette figure de la sorcière. Il y a un très beau texte comme ça de Marie Wigman où elle dit comment tout d'un coup en dansant elle a l'impression de voir surgir une femme avec ses instincts nus, enfin dans toute sa nudité. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau, quoi, où elle demande s'il n'y a pas un peu de sorcière dans chaque femme à part entière. Voilà, bon, ça c'est une chose. Et après, j'avais envie de parler, comme on a parlé pas mal des photomontages d'une femme qui s'appelle Anna Hoesch, et qui était la compagne donc, de Raoul Haussmann, et qui, elle, a vraiment révolutionné. Elle a créé beaucoup de photomontages, de collages. Et ce qui est assez intéressant, c'est que sa matière première, c'était vraiment plus. Elle a fait une école d'art appliqué, elle vient d'un milieu bourgeois, etc. Et elle a en fait complètement détourné. Elle travaillait avec du textile, avec des dentelles, etc. Et souvent, on l'a rangée comme si elle faisait de l'ouvrage pour dames, quoi. Comme s'il y avait quelque chose de mineur dans le fait de travailler le textile, d'utiliser ces matières-là. Et en fait, elle crée souvent des espèces de personnages hybrides qui sont à la fois qui ont des signes comme ça féminins très reconnaissables, et souvent elles sont mélangées avec des têtes de poupées, enfin il y a des espèces de torsions, et on, ça devient des êtres qui sont en fait, enfin ça explose un peu la notion de genre, quoi. Et en même temps ça la questionne, parce que la matière qu'elle travaille, c'est vraiment un moment où la culte, enfin dans les journaux apparaissent toutes les publicités avec des corps féminins, etc. Et donc ça va être vraiment la base. Elle va réutiliser cette espèce d'obsession pour le corps de la femme qu'elle commence à avoir dans les magazines. Et pour créer, voilà, des êtres hybrides avec quatre jambes, etc. Et sortir... ouais, d'avoir d'être dans cette logique du détournement. Et en même temps, c'est assez intéressant parce que j'ai lu il y a pas longtemps là des articles sur cette notion de photomontage, et il y a un peu cette question là de au même moment où ils commencent à faire eux leur montage qui viennent un peu détruire des schémas trop conventionnels. La publicité, elle s'empare du photomontage pour faire rêver, quoi, pour commencer à faire mêler une voiture avec une rivière et faire amener de plus en plus d'informations dans un condensé. Et on voit que chez Anna Heuch, c'est vraiment l'information inverse, quoi. C'est plutôt déstructurer les corps féminins. Avoir des signes, il y a souvent des femmes objets avec des têtes d'ampoule ou des têtes d'horloge, dans ce qu'on avait vu dans les collages, il y avait des billets de banque comme ça, et ces êtres un peu un peu étonnants. On a aussi un peu croisé une autre figure qui était à New York, et qui s'appelait la baronne Else von Freytag, et qui était, elle, vraiment une punk avant l'heure, encore plus que Mary Wigman, et qui avait la tête rasée, qui sortait avec des... Enfin, qui se faisait des tenues absolument incroyables. Et elle, pareil, elle a fait des poèmes, donc qu'on peut avoir, qu'on peut lire, mais elle est souvent plus dans ce détournement de l'habillement... Je sais pas, là j'ai des petites descriptions, mais je peux vous lire une petite description de son des costumes qu'elle avait à un concert. Une robe montante. Alors, la baronne manqua car elle devait d'abord finir son costume. Elle portait une robe montante dans les tons bleu-vert et un éventail en plumes de paon. Un côté de son visage était orné d'un timbre post-oblitéré, 2 centimes américains rose. Son rouge à lèvres était noir, sa poudre jaune. Elle avait le haut d'un seau à charbon en guise de chapeau, attaché sous le menton comme un casque. 2 cuillères à moutarde sur les côtés imitaient des plumes. Enfin voilà, on a une description comme ça moi j'ai l'impression que c'est tout aussi intéressant que des textes extrêmement denses sur la question du dadaïsme, de l'art. J'ai l'impression que les femmes, enfin. En tout cas, par exemple, la baronne, elle, simplement par l'habillement, elle venait complètement défaire la vision, l'étau bourgeois dans lequel elle était, quoi. Voilà. Et après, je peux vous lire juste un petit extrait. Moi, je pensais pas faire toute seule. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de dire des choses. Ouais. Tu veux pas ? Petit complément. Allez, allez. À propos de la baronne, mais Barnabé, il en sait davantage. Enfin, Barnabé, il est obsédé par la baronne, mais il est même pas là. Quand il a entendu le mot de baronne, il a surgi et puis il est allé se cacher aussitôt. Que la baronne, elle a réglé ses comptes parce qu'elle fricotait avec Duchamp, quand même, avec Marcel. Quand même. Et elle lui a réglé ses comptes, mais d'une manière, enfin, dans différents textes, etc., où elle parle de, un peu comme l'autre jour, module dada mon cul, elle parle de Duchamp caca, ou je sais pas quoi. Ouais, Duchamp. Duchamp caca. La parole à Barnabé qui en sait davantage sur ce sujet. Ah. Mais c'est pas à moi de lire ça. Hein. Ah, mais j'ai fait une traduction un peu. Alors c'est... Non, mais il faudrait que quelqu'un vienne lire en anglais, quoi, parce que c'est assez drôle, quoi. Dire. Tu veux, Lisa? C'est génial. C'est la version anglaise. Et pourquoi on ne lit pas en français? Parce qu'en français, c'est une traduction. Mais c'est bien. On va lire après la traduction française, mais bon, c'est pas une vraie traduction. Tu veux le faire en anglais? No spinter lollipop for me, yes, we have. No bananas, I got lusting palate. I always eat them. They have dandy celluloid tubes, all sizes. Tinted diabolically, as a baboon's hind complexion, a man's a piffle, will all the wisp. What's the dread matter with the up-to-date American? Home comfort? Boom. Insufficient for the should be well-groomed upsy. That's the leading question. There's a vibrator. Coy flopper toy. I am adult citizen with vote. I demand my unstinted chair in Rufeden, which Sabbath of our baby. Lonian obelisk, what's radio for? It's if you please. Eve's dark pricks snookums upon war reference. An apple a day, it will come. Ha! When? I'm no tongues wallowing yogi. Progress is ravishing. It doesn't me. Nudge it, kick it, prod it, push it, broadcast. That's the lightning idea. SOS, national shortage of what? How are we going to put it befitting? Lifted upsize? Psh! Any CC poet has sufficient freezing chemicals in his Phrygian incest to snuff all. Cookiness will hire one. Hell, not that. That's the trouble. Cock crow silly. Oh, fine. There they are in France. The air on the line. The poles. Have them send waves like candy, valentines. Say it with bolts. Oh, thunder. Serpentine, air currents, the very word penetrates, I feel woozy. I like that. I don't hanker after Billy Boys, but I'm entitled to be deeply shocked. So are we, but you feel the hiatus. Dear, I ain't queer. I need it straight. A dozen cocktails, please. Whoa! Bah, c'était génial. Bon, quelqu'un fait la traduction ou je le fais. Alors, pas de sucette de célibataire pour moi. Oui, nous avons pas de bananes. J'ai un palais plein de désirs. Je les mange toujours. Ils ont d'élégants tubes en celluloïdes, toute taille, diaboliquement teintés couleur de peau cul de babouin. Un homme est une fadaise, qu'un feu follet. C'est quoi cette terrible crainte-là sur l'actuel confort, les salles de bain de la maison américaine? Pas assez de cul pour une supériorité si bien préparée. Oupla. Il y a, c'est la question principale. Il y a le vibrateur, craintif jouet à clapet. Je suis citoyen adulte avec vote. J'exige ma pleine part sur toi d'Éden, sabbat sorcière de notre obélisque babylonienne. C'est pourquoi la radio, s'il vous plaît? Des bits du dard d'Ève, mon biquet, sur barrière câblée. Une pomme par jour, ça va venir? Ah, et quand? Je ne suis pas un yogi qui va avaler sa langue. C'est ravissant le progrès. Moi non merci. Pousse-le du coude, donne-lui un coup de pied, vire-le, pousse-le, allez, transmission. Voilà l'idée lumineuse. SOS pénurie nationale de... Quoi? Comment allons-nous le reposer soigneusement, ce popotin bien dressé? Pshhh! Tout poète fifille a bien suffisamment de chimie congelée dans sa glacière freudienne pour sniffer toute la jolie petite coque. On en prendra une en location, en fer, pas ça. C'est le problème. Cri du coq, idiot, excellent, on est en France, de l'air sur la ligne, l'épaule. Leur ont envoyé des vagues comme des bonbons de la Saint-Valentin. Dis-le avec des boulons, ô tonnerre, courant d'air de serpent. Pshhh. Le mot pénètre à fond. Je suis complètement dans les vapes, j'aime ça. Je ne cours pas après les Billy Boy, mais je suis habilitée à être bien secouée profond. Voilà, voilà, mais tu me remplis le hiatus, mon cher, je ne suis pas gay. J'en ai besoin d'une directe, une douzaine de coques, bites, taille, queue, s'il vous plaît. On a un petit exemple de la baronne. Voilà, et pour parler d'une autre figure, donc il y a la compagne de Hugo Ball qui s'appelait Amy Hennings et qui chantait au cabaret. Et il y a un petit texte que je trouve intéressant. Elle a écrit des poèmes avec Hugo Ball aussi. Elle a écrit des poèmes sur la morphine parce qu'elle était droguée, quoi. Et voilà, et je trouve qu'il y a un texte assez intéressant qui pose une question assez intéressante et qui est écrit, je crois, par Hulsen Beck. Il y a un tout petit extrait, je ne sais pas si quelqu'un veut venir le lire. Allez, trop. C'est quoi ? Quand le public se révolte après la déclamation des poèmes phonétiques de Ball ou de son Carousel Pferd Johann, Jean Cheval de Manège, c'est alors qu'Amy commençait à chanter. Et pendant qu'elle chantait, les auditeurs se calmaient. Elle savait toujours attirer l'attention sur elle, bien qu'elle ne fût pas du tout belle. Elle avait un visage sans expression et des cheveux blonds. Elle avait un visage plat, sans expression, et des cheveux blonds coupés courts, qui lui tombait dans les yeux. Les étudiants qui étaient venus au cabaret Voltaire en sortant de leur bistrot, car ils en attendaient quelque chose de spécial, y trouvaient leur compte. Ils dirigeaient leurs yeux lourds d'alcool sur Amy, repoussaient leurs casquettes sur leur nuque et murmuraient d'admiration. Quand Amy avait terminé, ils tapaient le sol de leur canne et poussaient des cris d'enthousiasme. Voilà, c'est un texte que je trouve assez parlant, quoi. Sur justement, en fait, les témoignages qui nous restent, vu que ces femmes n'ont pas forcément laissé de traces, c'est plutôt les commentaires qu'on a sur elles, en fait, sur leur présence. Et là, on voit que Amy Hennings, en fait, elle servait de régulation. Enfin, quand on avait proposé quelque chose de trop offensif et que le public commençait à être enragé, on mettait Amy Hennings et elle calmait les ardeurs. Elle permettait justement qu'il y ait toute l'attention libidinale qui se resserre sur son objet. Et voilà. Et je sais pas. Bon, c'est en tout cas, c'est quand même assez parlant. Sur, je pense que ces femmes, elles ont dû quand même beaucoup batailler. Vu en fait déjà aussi l'atmosphère bourgeoise qui a été, enfin voilà, dans lequel elles étaient baignées, quoi, et à la fois que maintenant les seuls témoignages qu'on ait, ce soit, enfin voilà, Anna Heuch, je sais plus qui écrivait aussi qu'elle était bonne à servir la bière, quoi. Enfin, c'est quand même, alors que voilà, c'est une très grande artiste et c'est pas la question. Ça fait un écho, mais de la compagne de Jean Harpe, qui était Sophie Teuber, et qui a vraiment initié toute la dimension de la danse aussi, parallèlement à Marie Wigman, qui n'était qu'une passagère, alors que Sophie Teuber était complètement, faisait partie de leur cercle, en fait, puisqu'elle était notamment à ce moment-là avec Jean Harpe. Il n'y a pas non plus, enfin bon, elle a laissé des œuvres, mais me revient aussi ce truc de mémoire qui est un hommage de Jean Harpe, mais Sophie dansait, Sophie peignait, Sophie chantait, enfin voilà, qui est un peu une manière aussi de rendre hommage, mais distance. Quoi. Et bien, si vous voulez voir ces danses de sorcières désarticulées, qui sont quand même présentes dans Module Dada, Module Dada est présent à la Parole Errante donc, ce soir à 21h, et demain dimanche, donc la dernière à 16h. Et donc là, c'est un peu abrupt, mais c'est pour finir et raconter un peu quels autres moments d'intensité variable et différente pourront être traversés ici à la Parole Errante dans les semaines qui viennent. Donc ça va être un peu une sorte de liste, mais voilà. Donc lundi 5 novembre à 19h, il y a une soirée de soutien à la plaine de Marseille. Mardi 6 novembre à 18h, il y a un séminaire qui s'appelle « Paradigme de la division politique ». Là, c'est un peu du name-dropping. Il va y avoir aussi avec Bernard Asp et Patricia Atsei. Jeudi 8 novembre, à 19h30, il y a un arpentage du livre « Champignons de la fin du monde » à Michel Firk. Vendredi 9 novembre, à 19h, il y a la fête des 2 ans du collectif Femmes Photographes, avec concerts et DJ, des années 80, un peu de la scène... Le 13, 14 et 15, il y a... Gabriel Garand, qui vient donc faire un grand parloir contemporain avec rencontres, films, projections. Le samedi 17 novembre, attention, à 20h, l'association Chat des rues vient fêter ses 20 ans. Et en décembre, donc le 1er décembre à 18h, il y a une soirée de soutien au Rémouleur, qui est un local d'organisation et de critique sociale, librairie, qui est à Bagnolet. Donc voilà, il y a un concert de soutien au lieu qui a besoin d'argent pour pouvoir continuer. Et les 7, 8, 9 décembre, il y a un week-end avec différents collectifs, du coup de la Parole Errante. Il y a le collectif de cinéma, donc Synapse, Regard à vue, le collectif Précipité aux Onaillés, et aussi un salon donc de livres de la Maison des Écritures et des Revues. Voilà. Ah, il y a une petite annonce à faire. En fait, c'est qu'à Bruxelles, le 11 novembre, on organise un super concert dans un lieu qui s'appelle La Seine. Et c'est un lieu justement où habite Alexia. Et Léa, elle a son atelier là-bas. C'est Cindy Lee qui vient du Canada. Et il y a aussi Christophe Clébar. Et il y aura aussi des concerts de Noise. Et Cindy Lee, ça va être merveilleux. Donc si vous êtes à Bruxelles à ce moment-là, trop bien. Et pour les Bruxellois, trop bien. Il ne faut pas oublier les ateliers du Sens Social Autogéré au premier étage de la librairie. C'est ça son annonce ? La liste est sur le site laparoledemain.org. Il y a un petit onglet CSA et du coup, il y a toute la liste des ateliers. Et par ailleurs, il y a aussi un exercice collectif de détournement, donc de bout de film plus de doublage en direct. Donc tout le monde peut venir. Et c'est du 26 novembre au 6 décembre et avec le collectif Synapse. Alors, à la quincaillerie, puisqu'on en a parlé, le 18 novembre, il y aura le jour du Seigneur et Kaito. Voilà, et ça, c'est vraiment à ne manquer sous aucun prétexte. Je crois que c'est vraiment qui a joué cet après-midi. Et à ne manquer encore sous aucun prétexte, le 28 novembre, toujours dans cette même quincaillerie perdue, dans une campagne profonde et quasiment inaccessible. Rien virgule, et ça va être un moment aussi inouï. Et c'est avec une chanteuse collagiste géniale. Rien virgule, en effet. Et le 4 décembre, il y a un concert. Hein ? Prends le micro. Il y a aussi à la radio, là, après qu'on a fini, il y aura Kaito et Alexia qui vont présenter des lectures de poèmes et de flûte enchantée. Ah, c'est plus tard que prévu, après le spectacle. Radio Cheval. la radio qui vous trotte dans la tête. Ah oui, c'est, parce qu'en fait... C'est quoi la longueur de câble, c'est ça? La longueur de câble, c'est 8 heures. Non, mais genre, c'est ça, il n'y a pas de rallonge, quoi. Mais attendez, vous avez changé d'avis, là? Alors... Ah, il y a des interférences incroyables. C'est pas dans tes baskets, t'as pas des... T'as pas des... Mais vous, pourquoi? Ça veut dire qu'il y a déjà plein d'ondes ici, alors. Est-ce qu'on peut déjà C'est ce qui est le pire. De toute façon, c'est pas de tension électrique. Ça veut dire que... Donc là, résumé, l'antenne sera mise sur le toit, le fil descend jusque la grande salle, et ça on le branche. En fait, on a, ça se trouve, ça va tomber. Si on met vraiment l'antenne ici, là, on peut installation de l'antenne, prise 3 ou 4. Carole, vous... Carole, oui. À la médiathèque, vous avez une antenne alors? Oui, on a une antenne qu'on met sur le toit pour émettre dans le quartier de Molenbeek. Et voilà, mais c'est un peu plus simple parce qu'il y a un toit et en dessous du toit, il y a un appartement avec des gens qui habitent en coloc. Du coup, on les embête, on pose l'émetteur dedans. Dans l'appart? Oui. Et on tire un long câble XLR qui passe par la fenêtre. Et donc qui le câble dans la médiathèque. Parce que la médiathèque est au rez-de-chaussée, quoi, d'un immeuble d'habitation. Installation de l'émetteur, prise 4. J'ai encore une autre idée. On trouve un tube d'acier beaucoup plus grand encore. Tout le sol, là. C'est des pinces croco, ça serre, ça tord même la barre. Il faut trouver des pinces croco pour accrocher la barre là-dessus. Bah, on... Directement là-dessus? La grosse barre en fer, c'est ça même. Ouais, on pourra la couper directement là-dessus avec des pinces croco. Vas-y, on fait ça. Et après, l'autre chose, c'est peut-être qu'on peut voir qu'on n'a pas des... Ça évite plein d'intermédiaires. Des sacs de sable. Du lest? Ah ouais, des sacs de sable. Des gueuses. Des gueuses, voilà. Installation de l'émetteur, prise 4. On va se la jouer sans son. Elle a servi à quoi cette antenne, vous savez? Ouais, elle servait pour une radio en Belgique, une espèce de radio locale associative qui avait près de... Je sais plus le bled. Je crois que c'était pas loin de Liège. Je me souviens plus du nom du village. Mais en tout cas, elle marchait, l'émetteur et l'antenne, elle marchait 365 jours par an sans s'arrêter. Bah, tu vois, elle tient. Bah non, mais c'est nickel en vrai. Hein. On va lester parce que là, vous êtes dessus. Mais On a accroché l'antenne, c'est nickel. Ouais, j'ai vu. Il faut juste quelqu'un qui le passe. Non. Donc il faut monter les stairs là-haut. Trop bien, c'est ça, tout baigne. Tu sens des interférences? À fond. On n'a pas allumé. Ouais. Tu sens des interférences dans l'antenne éteinte? Qui veut écouter ce son? Oui, non, mais c'est dingue. En vrai, on n'entend plus l'intérieur de l'enfant. Waouh. Ça dépasse la logique des ondes, quoi. Trop bien. Qu'est-ce qu'il y a de... Merde. T'as bougé ou pas? Ça marche. Beise, mon pierre lenam faitam radio guerre. Alors voilà, un rendez-vous plus souterrain. Un rendez-vous plus souterrain. Parce qu'il y en a qui se préparent aussi ici de cette manière, mais il y a comme d'habitude des entreprises qui exploitent et surexploitent leurs salariés. Et en l'occurrence, il y a dans le cadre des rencontres avec des salariés en lutte et tout ça. Il y a le blocage d'une de ces énormes entreprises qui est en préparation pour le début du mois de novembre. Alors on ne peut pas donner de rendez-vous fixe, mais enfin si vous passez par ici, vous aurez peut-être l'occasion d'en parler à quelqu'un ou dans vos cercles de proches, etc. C'est une entreprise qui défend une réputation d'écologie, etc. et où les gens en fait meurent littéralement au travail, puisqu'il y a des accidents de travail très... catastrophique, et aussi un endroit où, comme dans beaucoup d'autres, le type qui fait office de délégué syndical et en but à plein d'emmerdes a été licencié. Il a été réintégré dans l'entreprise, mais tous les gens qui lui parlent maintenant dans la boîte sont licenciés immédiatement. Donc il y a des gros problèmes de ce genre, bon, qui ressemblent à ce qui peut se passer dans un pôle emploi, une CAF, n'importe quelle entreprise. Voilà, pour dire simplement qu'il n'y a pas que des rendez-vous... comme ceux qui ont été donnés tout à l'heure, il y en a aussi qui flottent comme ça, de ci, de là, et auxquels vous pouvez vous joindre, ou vous pouvez proposer. À bientôt. Et juste dire que si des gens veulent mettre des morceaux de musique, des machins, il y a un ordi et on a encore un petit peu de temps, du coup, venez mettre ce que vous voulez. tout d'un coup ils tombent dessus. Ils sont partout, ils ont du lieu dans les rues. Ils sont tout flous et tout d'un coup.